c'est Jean-Philippe Bonti, entouré au micro ce soir de Monsieur Fred Savard. Allô, Jean-Philippe! De Monsieur Olivier Niquet. Salut! De Monsieur Jean-Sébastien Girard. Allô, Jean-Philippe! De notre invité d'honneur, Monsieur Serge Deloncourt. Ben, c'est ça. Il est à peine 17h et vous écoutez la soirée. Est encore! Bonsoir tout le monde, très content de vous retrouver en ce samedi 7 octobre. J'ai nommé Serge Deloncourt. Ouais. Vous l'avez peut-être pas entendu, c'est parce qu'il est pas là. Ouais. il a oublié en fait d'ajuster sa montre. Je vais vous dire la conversation exacte que j'ai eue avec lui, parce que plus le temps passait, plus on se disait mon Dieu, ouais. Serge. En même temps, on était bien. Ben oui. Ouais. Non, c'est pas un problème. C'est juste qu'on l'avait appelé, on l'avait booké comme on dit dans le milieu. Alors là, je lui ai écrit, je lui ai dit allô. Il me répond allô Monsieur Larac. Bon, il y a une dure semaine. Alors, vous arrivez bientôt? Ah, ma montre dit 15h15. Je fais quoi? Je me garoche? Oui, on va commencer sans vous. Il était 15h17 à peu près. Donc, il y a 2 heures de retard. Ça fait à peu près 5 minutes. Je ne sais pas à quel point il s'est trompé. Alors, de toute façon, comme on se disait, ce sera pas si grave. Ça va être du mépris de moins début de l'émission. Ouais. On va en profiter. Écoutez, de toute façon, il va arriver très, très bientôt. Ah, oui. On va lui donner un petit maquillage pour sortir de son embaumement. Et puis, on va avoir beaucoup de plaisir avec Serge. Il n'y a pas de doute là. Alors, je suis très heureux de vous voir, messieurs, parce que moi, j'ai passé mon vendredi à Sherbrooke. Mais vous m'avez pas vu à la réunion, j'étais pas là. J'étais en train d'enregistrer un petit téléthon pour la fondation du CHUS. Vous savez, Radio-Canada fait ça chaque année. La fondation du CHUS. Vous savez, c'est quoi le CHUS? Hein? Oui. C'est quoi? C'est le Centre universitaire de Sherbrooke. Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke, exactement. Alors, j'ai enregistré des petites transitions comme ça à l'hôpital de Sherbrooke pour lever des fonds pour la fondation du CHUS. Et vous savez, les malades nous aiment beaucoup à la soirée. On est très, très chanceux de ça. J'ai rencontré un monsieur dans la salle des opérations d'un jour qui, avec une voix très, très faible, évidemment, c'est pas une blague, mais dit à quel point il aimait beaucoup la soirée. Alors ça m'a touché. Je lui donne une bonne tape dans le dos. C'est un public qui est souvent laissé pour compte à la télévision, les gens malades. Ouais. Il faut leur parler à ces gens-là. Oui, absolument. Monsieur Louvain, là, il disait toujours bonjour aux gens dans les hôpitaux qui animaient de bonne. Est-ce que c'est vrai, ça? Ça, c'est vrai. Pour vrai, dis-le, Fred. C'est un monsieur, ça. C'est un monsieur. Oui, en même temps. Je suis allé à des funérailles aujourd'hui. Les morts nous aiment beaucoup. Ah! Ça, c'est trop. Je trouvais que la ligne de la maladie, c'est une chose, et c'est vrai, les gens, mais les gens morts. C'est pas parce qu'on est mort qu'on peut pas rire. Non. Vous avez tout à fait raison. Alors voilà, moi, c'était mon vendredi. Alors, je suis très, très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Et surtout, j'ai aucune idée de ce dont vous allez me parler. Olivier, vous avez fait quoi de votre semaine, vous? Moi, cette semaine, j'ai commencé ma tournée médiatique pour mon livre qui va sortir le 11 octobre prochain. On est déjà tanné, puis il est pas sorti. Ben, hein? 400 citations sportives drôlatiques qui vont plaire à toute la famille. Je pensais que d'écrire un livre, ça allait intéresser personne, mais je me suis trompé. Vraiment, tout le monde veut me parler. J'ai fait des entrevues pour Le Devoir, le journal Métro et Radio-Canada Moncton. Ils ne savent pas encore à Moncton que je ne suis pas très loquace, alors j'en profite. De toute façon, ce n'est pas vrai que je ne parle pas beaucoup en entrevue. Vous m'avez vraiment fait une sale réputation en répétant toutes les 2 secondes que j'étais muet. Les gens ont commencé à vous croire, bizarrement, mais c'est très différent d'être en entrevue tout seul que d'être avec 3 personnes en manque d'attention qui se battent pour avoir le spotlight. Mon Dieu, mais s'il était jaloux à voir ça, il aurait dû nous dire avant. Continuez. Non. Alors, je me suis beaucoup amélioré aussi côté laconisme. Vous savez, ça vient de où, le mot laconisme, Jean? De Lacon, un ancien... oui, allez-y. Ça vient de la Laconie, une région de la Grèce dont la capitale est Sparte. Et selon Wikipédia, un laconisme, c'est une formule concise et frappante telle que celle par lesquelles les Spartiates de la Grèce antique avaient coutume de s'exprimer. Et cette concision s'accorde avec l'esprit militaire de Sparte et n'est pas dénuée parfois d'une forme d'humour cassant qui sait toucher avec précision le point faible des déclarations de l'interlocuteur, comme le notait Socrate. Alors, Socrate a déjà parlé de moi, Jean-Philippe. C'est ça. Et d'ailleurs, je songe à aller passer mes prochaines vacances là-bas en Laconie. Ça devrait être quand même plus agréable que d'aller les passer en Logorée, où Jean-Sébastien va chaque année. Ça, c'est drôle, mais c'est fin, fin, fin. Ouais, c'est fin. Tout ça pour trop dire... Trop fin pour être drôle. Mon Dieu, les gens réagissent pas ce soir dans ça. C'est un petit public, hein? Ben, c'est pas un gros public, mais c'est peut-être le petit public. Non, c'est l'absence de Serge. Non, je pense qu'on est juste attentifs. Ah oui? Ah mon Dieu, pourtant, c'est pas super intéressant. C'est le rire à un moment donné, là, toujours la tyrannie du rire, on n'est pas obligé. Vous avez tout à fait raison, Fred. Ouais. On va arrêter ça. Ouais. Continue, Olivier. Tout ça pour dire que je suis quand même pas si pire en entrevue, finalement, puis c'est un sujet que je connais. C'est quand même moi qui l'ai écrit avec 75 experts sportifs, ce livre-là. C'est juste que je suis moins bon quand c'est des sujets qui m'intéressent pas, comme la pluie, le beau temps, ça. Parlez-moi pas de ça, je m'en sac, ben raide. Mais ça veut pas dire que je suis bête ou que je réponds pas au monde, comme l'a imaginé Louis-José Houde l'autre jour. Il a dit que j'étais du genre à pas saluer d'autres skieurs que je croiserais sur une piste. Et d'ailleurs, de toute façon, jusqu'à quel point il faut saluer quelqu'un parce qu'on fait la même activité? Moi, quand je croise quelqu'un qui court, il faut que je le salue par solidarité. Oui. Toi puis moi, on se comprend, on fait du jogging. Oui. Je salue pas les gens à l'épicerie parce qu'eux aussi font l'épicerie. Même chose aux gens coutus. Il est malade. Je me suis jamais fait... C'est drôle, c'est vrai. Oh, excusez-moi. Même chose aux gens coutus. Je me suis jamais fait d'amis aux gens coutus. Et je salue pas Fred et Jean-Sébastien juste parce qu'on est sur la même émission. Ce serait un petit peu niaiseux. C'est rendu que les motards... Juste le savoir-vivre, c'est pas suffisant. Non. Eh ben. Non. C'est rendu que les motards se saluent sur l'autoroute, les camionneurs. J'ai même entendu que les propriétaires de Mazda Miata se saluaient quand ils se croisaient. Oui, c'est vrai qu'on fait ça. Une communauté tissée très serrée. Donc, en tout cas, j'aimerais quand même, moi, partir peut-être une nouvelle tradition, les introvertis qui ne se saluent pas. Ça ne devrait pas être trop compliqué à implanter. Je pense que ça, c'est déjà fait. Oui. Mais pour vrai, je dis bonjour. Quand on me dit bonjour, je le fais toujours avec le sourire. Oui. C'est juste que je suis moins porté à initier les bonjours parce que moi, dans la vie, depuis toujours, je suis tellement discret que généralement, les gens ne se souviennent pas de moi. Ils ne se souviennent pas que j'existe. Pas plus tard qu'il y a deux semaines, c'est un homme brisé. J'ai croisé un gars au Gémeaux. Son garçon joue avec mon plus jeune au hockey depuis 3 ans. On se voit 2 fois par fin de semaine à l'aréna. Il n'y avait aucune idée de qui j'étais. Et ça, c'est l'histoire de ma vie. C'est pour ça que j'assume jamais que les gens vont se rappeler de moi. Alors, j'attends qu'ils me disent bonjour avant de les saluer. Je suis un peu l'inverse de Jean-Sébastien qui, lui, est insulté parce que quand les gens ne savent pas qui il est. Ça, c'est vrai aussi. C'est pour ça qu'il n'a pas aimé son voyage en Europe cet été. Donc, moi, je préfère que les gens ne sachent pas qui je suis. Mais si vous me croisez en ski ou à l'épicerie, ça va me faire plaisir de vous répondre, de vous dire bonjour. Et si je vous croise à TVA, ça va me faire plaisir de vous dire salut, bonjour. Et justement, voyons donc! Si vous vous appelez Gino Chouinard, je suis intéressé par une entrevue avec vous. Alors, contactez-moi. Ah, mon attaché de presse. C'est rendu Guidoun. Oh, merci, Olivier. Bravo pour son livre qui va être publié le 11 octobre. En plus, ça. J'ai peut-être gagné depuis Goncourt. Peut-être. Salut, Olivier, prends Goncourt. Je vais vous dire salut, bonjour. C'était drôle, ça. Oui. On va la garder dans le montage télé. Vous, Fred. Ah, mais j'ai passé une belle semaine. Je suis allé voir 2 spectacles d'humour. Voyons. Mardi, avec mon garçon. Je suis allé voir Martin Perizzolo mardi soir. Et hier, je suis allé voir Adib Alcalidé. D'accord. Et j'ai adoré le spectacle d'Adib. Voilà. Sinon, j'ai passé une semaine à relire ma collection de bandes dessinées de Tintin. Ah, ça, là! Les gens l'ignorent sûrement, mais je suis un grand fan de Tintin. Moi, vous aussi! Ben oui, on est des tintinophiles. Oui, hein? Des tintinophiles. Puis c'est drôle parce que cette semaine, il y a une petite polémique qui est apparue sur les médias sociaux du côté de Dominique Moret, l'animateur de Québec. Moret avait été retenu par le Musée de la Civilisation pour apparaître dans une vidéo faisant la promotion de l'exposition sur Hergé qui se tient à Québec au Musée de la Civilisation depuis quelques mois. Et là, il y a des gens qui se sont plaints sur la page Facebook du Musée de la Civilisation de la présence d'un animateur d'une certaine radio privée de Québec. Je suis poli ici, qui tient des propos souvent complètement à l'opposé des valeurs humanistes mises de l'avant par Hergé. Évidemment, Moret a fait ce qu'il fait de mieux, jouer à la victime. Il a publié les commentaires de la page Facebook du musée sur sa page personnelle. Il a également tenté de faire ce qu'il fait toujours, c'est-à-dire transférer la réprobation dont il est l'objet sur ses auditeurs, même si les commentaires ne s'adressaient qu'à lui et sa présence dans cette campagne. Le but est bien sûr de tenter de convaincre ses auditeurs, c'est-à-dire les gens qui paient son gras salaire, que la gauche québécoise censure toute parole dissidente au Québec, ce royaume de la pensée unique. Là, je vous en parle parce que moi aussi, j'ai été moi-même pressenti l'an dernier pour participer au tournage d'une capsule de cette même campagne. J'avais accepté jusqu'à ce que j'apprenne que Dominique Moret participe lui aussi à la campagne l'an dernier. Alors, j'avais rappelé les gens du musée pour leur dire que je me retirais du projet. Je ne voulais pas être associé ni de près ni de loin à Dominique Moret. Déjà qu'on partage le même métier, ce qui parfois m'a procuré la folle envie de prendre ma douche. Je trouvais que Dominique Moret ne partageait pas vraiment les valeurs d'ouverture sur le monde qu'on retrouve dans l'œuvre de Tintin. Et là, les gens du musée m'avaient répondu qu'ils souhaitaient rejoindre les auditeurs de Moret, ce qui est tout à fait louable quand on est dans la business de vendre des étiquettes. Mais ça ne m'a pas convaincu de ma présence dans cette campagne marketing, alors j'ai dit non. Ça tombait bien, puisque quelques jours plus tard, l'an dernier, on pouvait entendre justement Dominique Moret à son émission faire une publicité pour une rôtisserie ontarienne. On écoute. La poutine également, ça aussi je l'ai essayé. Poutine de porc effiloché et du porc, il y en met. D'après moi, t'as le cochon complet, ou presque. Il reste juste la tête. Mais ça, la tête, on donne ça... aux étrangers. On donne ça aux autres, aux étrangers. Alors, vous comprendrez que je ne regrette pas une seule seconde de ne pas avoir participé à cette campagne du Musée de la civilisation. Mais sinon, j'ai pensé quand même vous amener mon album de Tintin préféré. Je l'ai avec moi. Alors ici, c'est L'Île Noire. Oui, quand j'étais petit, moi, je recevais les Tintins par grappe. Hein, 3 ou 4 albums à ma fête, à Noël, à ma fête, à Pâques, à Noël. Et L'Île Noire... Il y a juste une vingtaine d'albums, fait qu'on fait le tour vite quand même. Ben, 3 ou 4, oui. Ben, 2 ans, c'est ça. L'Île Noire est un des premiers albums de Tintin que j'ai reçu. Et il y a une valeur sentimentale parce que c'est aussi au bar L'Île Noire que j'ai rencontré la mère de mon fils. J'ai pas de Kleenex, rien. Et sinon, j'ai amené aussi, je pense, l'album préféré de Dominique Moret. Du moins, je présume. J'en suis pas tout à fait certain, mais avec ce qu'on vient d'entendre, j'imagine que c'est Tintin au Congo, son album préféré. Un album qu'il a certainement lu au premier degré. Il faut faire attention, les premiers albums de Tintin, il faut les remettre dans son contexte. Et le contexte, parfois, il y en a que ça échappe. Ouais. Alors voilà, Jean-Philippe, ça a été ma semaine. Bonjour, merci. Vive Tintin! Ouais. Très, très belle semaine. On rappelle les auditeurs, d'ailleurs, que ce soir, vous êtes à la Taverna. Oui, on en parlera plus tard, mais je vais être à la Taverna pour mettre des succès, faire danser les gens. Ah, ben ça, j'ai très, très hâte de voir ça. De ne pas être là. Je serai au lit à 9h. Oui. Alors, Jean-Sébastien, rapidement. Je serai, moi, ce soir. C'est vrai, vous allez voir Fred? Oui. Spiné du record? Oui, absolument. Bon, allez. Ben, ça va poursuivre, en fait, cette semaine, Jean-Philippe, que j'ai placé sous le signe de la culture. Tout d'abord, mardi, je ne suis pas allé voir le premier one-man show de Martin Pirizzolo à la Place des Arts. Belle soirée. En fait, je devais y aller. Ah, excusez-moi. Jean-Philippe, normalement, c'était prévu, mais j'ai eu un empêchement. Bon, évidemment, ça arrive à tout le monde. Juste avant d'y aller, j'ai manqué d'intérêt. Hein? Mais non, c'est une blague, évidemment. Je l'aime beaucoup, Martin. Il va être avec nous, pour vrai, en plus, au cabaret cette semaine. Je pense que j'ai manqué d'Internet. Non, j'ai eu juste des petits ennuis de santé, des relents d'un vieux rhume. Des relents d'un vieux rhume. Qui ne me quittent pas depuis le début de la saison. Écoutez ma toux grasse. Un vrai petit Jacques Brel. Alors, je donnais mes billets à une amie dont c'était l'anniversaire. Ah. Elle semblait pas connaître Martin Pirizzolo, en revanche. Alors, je lui dis, ben écoute, c'est le gars qui fait les annonces de fromage. Alors, elle est allée voir le spectacle. Elle a beaucoup bri, Jean-Philippe. Elle a beaucoup. Je ne sais pas c'est quand ça a commencé pour vous, je sais pas, l'utilisation mais beaucoup, du jeu de mots. J'aime beaucoup la tangente que prennent mes textes. Ah ouais, hein? Ah ouais, OK. C'est correct. Et comme évidemment c'était un beau recul. Et comme c'était la première médiatique, évidemment, elle a eu la chance de voir tout le gratin. Et puis, bon, évidemment. J'ai envie de quitter. Il faisait pas beau ce soir-là, alors je l'ai averti d'y aller avec son parapluie au cas. Ah, ben non. Sinon... Non, non, non. Voyez-vous, les gens s'habituent tranquillement. Merci. J'ai une clap. Je pense que c'est le fan club de Guy Mongrain. Sinon, ben jeudi, j'allais beaucoup mieux. Je suis allé au théâtre pour Le Vu, pas Vu, qu'on va présenter. Excusez-moi, je me dévoile un peu, malheureusement. J'avoue que c'est pas fair play. Alors, Le Vu, pas Vu, qu'on va présenter en fin d'émission, que j'ai préparé avec Olivier, pour voir la pièce La mort d'un comique voyageur, comme disait Ding Dong. Grande première médiatique. J'ai vu Serge, d'ailleurs, juste avant la pièce. J'aurais dû lui rappeler qu'il venait ici aujourd'hui. Mais il est toujours pas arrivé. Il avait l'air content de me voir. Ah, mais peut-être ça veut dire que vous n'êtes pas allé puisqu'il est en retard. Puisque normalement, si je l'avais vu, il se serait souvenu. Non, mais il avait l'air très content de me voir pour vrai. Donc je présume qu'il était sous. Et je suis allé voir cette pièce avec ma nouvelle date dont je vous ai déjà parlé, Gabrielle. Votre mère? Non, ma mère est à la maison plâtrée maintenant. Ah, oui. Ouais. Oui, alors ça me laisse du temps pour développer des amours. Donc, d'être avec Gabrielle, qui pensait, pour vrai, qu'on allait voir Le Survenant. Ah! Ouais, alors, il y a un prêt à payer quand notre date est cute et a 26 ans. Tout n'est pas parfait. Alors, mais je me suis dit, je vais l'amener à la grande première médiatique, histoire de lui montrer tout le gratin, lui montrer que dans le milieu, je suis un peu connu comme Barbapapa dans La Passion, Jean-Philippe. Voyons! On dirait que les gens sont tannés. Il y a notre producteur télé qui vient de nous écrire qu'il n'a pas envie de produire à la semaine prochaine. Mais bon, j'avais... Regardez qui s'en vient! Oh! La belle surprise! Regardez qui est là! C'est Monsieur Denoncourt! Il y a la même chemise qu'il portait jeudi. Je ne vous salue pas, vu que ça met Olivier mal à l'aise. Ah, vous nous avez écouté dans la voiture? Et je suis en retard parce que, tout comme monsieur, j'ai eu un manque... D'intérêt. Vous avez des lignes d'oreiller dans le cou, Serge. Et ça se peut parce que je dors depuis 2 jours. J'ai un relent de rhume. Bref, je disais que je voulais péter la galerie en allant dans une première et montrer tout le gratin. Mais en fait, j'avais oublié qu'au Rideau Vert, tout le gratin, hein, c'est Jean Leclerc, Lénie Scoffier et la fille pas connue de Denise Filiatro. Et Jean-Sébastien Girard. Oui, Jean-Sébastien Girard. J'ai même pas vu Yvette Brindamour ni Mercedes Palomino. Ça vous donne une idée. La seule vedette, en fait, qui était sur place, c'est Éric Salvaille, qui arrêtait pas de traiter toutes les vieilles actrices de lesbiennes. J'ai trouvé ça... un petit peu ordinaire. Bon, ben, je vais y aller, moi. Il est petit. Oui, aussi, je suis arrivé un petit peu trop tôt. Je pensais que c'était à 7h30 et non pas à 8h. Alors, je suis allé faire un tour. Ben, à une époque, c'était à 7h30, les premières au Rideau Vert. Mais c'est pas moi, je ne vous ai pas vu au Rideau Vert. Alors, évidemment, je fais quelque chose que je n'ai pas fait pour tuer le temps depuis 2003. Je suis allé bouquiner à l'échange, un lieu où on trouve des livres de seconde main. Bouquiner à l'échange. Bouquiner à l'échange. C'est vintage. Hein? Et donc, je me suis acheté différents livres. J'ai trouvé, entre autres, ceci. Ça s'appelle « Mère-fils ». L'impossible séparation. C'est votre autobiographie? Ben, presque. Et c'est publié dans une maison d'édition qui pourrait appartenir à Fred. Ça s'appelle la maison d'édition Marabout. Mais c'est vraiment plus ça, en plus. Ben non! Ça, Fred. Ah. Ça aurait été Guilleret, la maison, de, la maison d'édition Guilleret. La maison du bonheur. C'est un ouvrage qui raconte le travail qu'on doit amorcer pour se séparer de sa mère pour devenir un adulte en 20 étapes. J'ai commencé à lire la première étape, puis après ça, je me suis dit, franchement, 69 ans, je pense que le travail va se faire spontanément. Ben oui. De toute façon. Et finalement, ce que j'aime à l'échange, c'est qu'on trouve souvent des bijoux, des trucs très drôles, qui sont en fait des cochonneries dont on se débarrasse le premier jour qu'on le reçoit. Des fois, c'est des services de presse. Et à ce titre, oh, regardez ce que j'ai trouvé. Regardez ce qu'il a trouvé. C'est dans mon livre à moi, d'Olivier Niquette. Ah! J'ai trouvé ça à l'échange. Toi, je ne sais pas. Combien? C'est à moi, ce livre-là. $1. Vous comprendrez évidemment, Olivier, que c'est une boutade. Hein. Je n'ai pas trouvé ça à l'échange. Mon Dieu, vous avez fait tenir le suspense assez longtemps. Hein? Seigneur. Parce qu'en fait, je me transforme en Chantal Lacroix aujourd'hui. Je veux créer un moment d'émotion. Boy. Parce que Olivier, Olivier n'a jamais vu Olivier n'a jamais vu l'exemplaire physique de son livre. Bon, évidemment, votre éditeur semble pas vous connaître beaucoup. Il m'appelle hier, il me dit Sébastien, tu pourrais offrir à Olivier Niquette son premier exemplaire en onde. Il va être ému. Alors j'ai dit, là. J'ai répondu pour vous, hein, je pourrais lui apporter les cadavres de sa mère puis de sa femme sur le plateau. Puis tout ce qu'il me dirait, c'est franchement nono. Hein, alors, faites semblant d'être ému, Olivier. Je ne l'ai pas lu, vous vous en doutez. Hein, j'aurais préféré passer la semaine en dialyse plutôt que de le lire. Mais quand même, comme je vous aime beaucoup, puis je suis quand même fier de votre travail, de côtoyer un auteur. Puis, je sais, puis comme je sais que vous allez conserver cet exemplaire-là, ben je vous l'ai dédicacé. Bravo, Olivier. Je suis sans mots. Bravo! Regarde, c'est bon. Olivier! Ah! Oh, ça, c'est cute. On va le montrer à la caméra. Il y a une carte de joueur de hockey, puis c'est le petit Olivier. Oh, c'est vrai? Petit Olivier. Mon Dieu, pouvez-vous croire hein, que les gens font ça? Mon Dieu, vous aviez quel âge à l'époque? Ça, ça doit être 9-10 ans, là. Prêtez-la à Serge, là. Ben oui, t'as coup, je me touche. Ah, voyons. Ça n'a pas de bon sens. On est en nombre. Non. Ça ne peut pas. On est en nombre. On acceptait que vous soyez raciste cette semaine, mais pas pédophile. Il y a ben justement, Serge! Non, les deux. on voulait vous poser cette question-là pour vous demander quelle semaine vous avez passé. C'était les dieux de la danse cette semaine. On recevait notre ami Georges Larac. Paraît-il que vous avez dit des choses qui ont été coupées au monde. Faites attention, Serge. Reculez-vous du micro, s'il vous plaît. Alors, premièrement, Jean-Philippe, faites pas votre insignifiant, votre niaiseux. Vous étiez là. Hey, je me souviens pas, mais on en enregistre tellement. Et on a effectivement coupé parce que, et ça n'a rien à voir, évidemment, tout le monde ici sait que je ne suis pas raciste. Non? Je suis plutôt allergique aux épais. Et, bon, ben. Je me doutais que ça allait. Ben, ça n'a rien à voir avec la couleur de la peau ou quoi que ce soit. Monsieur Larac ne comprend pas les blagues. Il ne comprend pas le deuxième niveau. Et je ne suis pas méchant en disant ça. Je pense qu'il faut se pencher sur un problème des commotions cérébrales. Je viens de me souvenir pour qu'on ait coupé le bout de Serge. Voilà. Alors, je vous remercie. Belle semaine, Serge. Voilà. On va couper ça au montage. Prendre une petite note. Alors voilà, ouf, fait chaud, hein? Seigneur Jésus. Avez-vous d'autres questions? Non, c'est bon. Merci d'être venu, Serge. On a plus de retour. C'était donc bien long, cette affaire-là. J'ai un seul commentaire, c'est celui de Julie Saint-Pierre qui nous dit « Ne pas oublier que nous sommes dans un mois qui finit en breu. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On peut manger des moules? Des non. On se masturbe breu. Non, mais non. Non? Non, c'est le mois... Le mois des huîtres. Voilà! Ah, ah, des moules, les huîtres. Ouais. Des moules? Pareil. C'est deux mondes. Ben, des moules, c'est comme des huîtres cheap. Ah, non, oui. Non. Des huîtres et puis des frites. Donc, il est comme insulté. Ben, c'est parce que j'aime les deux, puis je trouve pas que c'est ça du tout. Oh, on va avoir du fun à soir. Ah oui, c'est des nouvelles. Oui, c'est les nouvelles, Fred. Après sa dégelée dans la circonscription de Weber, où les francophones ont massivement voté pour la CAQ, Philippe Couillard a remis en doute la nécessité de tenir une commission sur le racisme systémique. Pour donner raison à M. Couillard, la tenue d'une commission sur l'instrumentalisation des immigrants au sein du PLQ est beaucoup plus prioritaire. Franchement, hey. Je pense qu'on n'est pas dans un bastion libéral. Coup de théâtre dans le monde du pelletage de nuages. Option nationale, parti fondé par Jean-Martin Hossan, est officiellement dissous après avoir accepté cette semaine de se fondre dans Québec solidaire. On se rappelle qu'Option nationale avait été fondée par des péquistes qui trouvaient que le PQ ne parlait pas assez souvent d'indépendance. Ironiquement, Option nationale fusionne maintenant avec un parti qui n'en parle pas du tout. Il y a peut-être des caquistes dans la salle ce soir, c'est pour ça que c'est... Ben, probablement. Ça. Des jeunes caquistes? Ah non, ça se peut pas. Hey, là! Selon des données recueillies par le ministère de la Santé, seulement 56 % du personnel soignant de tout le réseau de la santé québécois respecte le protocole d'hygiène pour prévenir des infections. On en conclut donc que 44 % du personnel, quand vient le temps d'adopter des mesures d'hygiène simples, s'en lave les mains. Ah ben non! On a eu Jean-Sébastien Ouverture tout le long, c'est pas vrai, là. Le candidat à la mairie de Québec, Jean-François Gosselin, s'est dit opposé à la rénovation de la bibliothèque Marguerite Bourgeois, un investissement prévu de 32 millions de dollars, selon lui, et je le cite, « changer les tapis et peut-être un coup de peinture est nécessaire, sans plus, l'argent économisé servirait à diminuer le compte de taxes des contribuables. Avec 53 % d'analphabètes fonctionnels au Québec, rénover et agrandir les bibliothèques est beaucoup plus urgent que baisser les comptes de taxes. Cela dit, être un analphabète fonctionnel n'empêche pas de bien réussir sa vie, puisqu'on peut même se présenter à la mairie de Québec. » Voilà ce qui conclut cet autre excellent bulletin de nouvelles de retour à vous, Jean-Philippe Vautier, en compagnie de Serge Denoncourt. Ça vous dérange pas, je vais me dissocier immédiatement puis je vais vous laisser présenter notre premier invité. Mais là, je peux pas en aller. C'est peut-être le prochain premier ministre du Québec si on se fie à l'élection partielle dans Louis-Hébert. C'est un plaisir de recevoir à l'émission Monsieur François Legault! Bon. Je suis bien déçu d'avoir pressé Serge Denoncourt de venir nous retrouver. Finalement, moi, vous m'avez promis un invité, le fun. Oui, on a François Legault, là. Merci. Bon, vous, là, est-ce que vous allez vous chicaner encore à ce moment? Ah non. Bon. Monsieur Denoncourt, j'ai refusé d'aller au Dieu de la danse parce que j'avais peur d'être jugé par vous. Ben, vous avez eu raison. Une bonne décision cette année, monsieur Legault. Non. Moi, je suis sûr que ça aurait été très bon. Moi, Serge, de toute façon, vous aimez pas seulement les danseurs au Dieu de la danse, c'est les bons danseurs. Vous êtes capable de bons jugements, non, mais parfois. J'aime tout au Dieu de la danse, sauf le monde qui ne comprenne pas les blagues. Oui, c'est ça. Non, ça, c'est dans le cas de monsieur Larac. Mais bon, revenez-en, mon. Non, ben non. Ben oui, mais pensez, cette émission-là, c'est fini. J'ai été traité de raciste cette semaine. Vous faites des blagues avec ça, c'est pas drôle. Vous étiez peut-être un peu raciste. Non. Plus tard. OK. Dis pas que vous êtes beaucoup raciste. Vous êtes un peu raciste. C'est l'insulte qui m'insulte le plus. Bon. Google. Bon. Bonjour, M. Legault. Ouais. Moi, inquiétez-vous pas, moi aussi, Philippe Couillard m'a traité d'intolérant. Ah, ben oui, mais. Oui, vous soufflez sur les braises. De l'intolérance, voilà. Ben, c'est... J'ai un russe dans mon pool de hockey. C'est vrai. Je suis curieux, lequel? Kucherov. Kucherov, T'aimes pas bien. On va essayer eux autres. Non, mais je suis content de vous recevoir, M. Legault, parce que j'ai l'impression qu'on est en train de recevoir le prochain premier ministre du Québec. Bon, évidemment, attendez un peu, ça se pourrait. Je veux dire, il se passe quelque chose, là. Vous y croyez pas, vous, Serge? Il s'est passé quelque chose dans Louis Hébert. Donald Trump a été élu, il n'y a plus rien qui est étonnant maintenant. Est-ce que vous faites un rapprochement? Non, c'était maladroit. Très con. Peux-tu commencer mon entrevue? Êtes-vous sûr que vous vouliez venir ici aujourd'hui? Ben oui, on s'entend super bien. Êtes-vous sûr que vous vouliez venir ici aujourd'hui? Ben oui, effectivement, j'étais content. Venez faire rire de moi. J'avais rien à faire. Non, mais attendez un peu, là. On va parler pour vrai de Louis Hébert parce que ce qui est sorti de cette élection-là, c'est un raz-de-marée. Puis on va le dire. Puis c'est même pas gênant d'en parler parce que la CAQ a remporté cette élection avec un peu plus que 51 % des voix. Je pense que personne s'attendait à autant que ça. Les analystes disaient le PLQ va sûrement avoir des difficultés, mais à ce point-là, à l'intérieur du parti, est-ce que vous aviez cet instinct-là? Est-ce que vous le saviez que ça allait faire ça? On savait qu'on avait des chances de gagner, ouais, mais pas à 51%. On peut dire, effectivement, là, c'est en tout cas, écoutez, même Gaétan Barrette est en train de penser à revenir à ça nous a fait peur un peu. Ouais. Ah, ben, si vous gagnez, il va cogner à la porte, ça, pour être sûr de ça. soyons honnêtes. Mais sans blague, cette victoire-là, parce qu'on en a parlé toute la semaine, ça, vous avez mis un peu le bordel au Parti libéral là, cette semaine, on va être honnête. On a l'impression qu'au Parti libéral, tout le monde s'est réveillé en même temps ou à peu près. Mais est-ce que cette élection-là, c'est des gens qui ont choisi la CAQ ou c'est des gens qui ont voulu punir le Parti libéral? Je pense que c'est un peu des deux. On a senti, parce que durant la campagne électorale, j'étais allé souvent dans le comté, les gens veulent du changement. Ça va faire 15 ans l'année prochaine que les libéraux sont, ouais, au pouvoir. Je pense aussi qu'ils sont insatisfaits du gouvernement libéral, entre autres en économie. Parce que M. Couillard dit l'économie va bien. Les gens, quand ils regardent leur poche, ben, ils voient qu'ils n'ont pas plus d'argent qu'avant. Pourquoi? Parce que les salaires sont plus bas au Québec. Puis on paye plus d'impôts. Donc, les gens cherchent une alternative. Pensent pas. Bon, le Parti québécois a fait 16 % là. Pourtant, c'est un comté francophone. Ouais. Donc, les gens cherchent une alternative. Bon, puis et voient de plus en plus la CAQ comme étant un gouvernement en attente. C'est intéressant parce qu'au Québec, puis je pense qu'on en parle souvent avec Fred ici ou les autres politiciens, les différences entre les grands partis, que ce soit le Parti québécois, le Parti libéral et la CAQ, elles n'ont pas l'air immenses. C'est sûr que quand on tombe dans la table de Québec solidaire et de Feu, Option nationale, on peut imaginer que les différences sont présentes. Mais entre ces trois partis-là, quelle est la différence majeure entre la CAQ et le Parti libéral? Bon, moi, je pense qu'on a un parti qui est nationaliste. Hein? On a vu M. Couillard qui a refusé de défendre le français, qui refuse de défendre nos valeurs, qui fait presque... Bon, il fait une commission sur le racisme systémique, comme si les Québécois, surtout les francophones... Serge est contre cette commission-là. Ouais, je sais. Enfin, une chose sur laquelle on s'entend. Ouais. Mais je pense que aussi les Québécois se disent « on peut faire mieux ». On peut faire mieux en éducation, on peut faire mieux en économie, on peut faire mieux en santé. Puis c'est important de défendre notre identité. Donc, le Parti libéral n'est plus le Parti libéral de Jean Lesage et de Robert Bourassa. Là. Monsieur Couillard ne défend pas du tout l'identité québécoise. Laisse Ottawa prendre... Mais c'est quoi ça, l'identité québécoise? Exactement. Ben, c'est les valeurs québécoises? Oui, essentiellement deux choses. D'abord, le français. Oui. Défendre le français. Oui. Les valeurs. Ben, prenons, par exemple, l'égalité homme-femme. Nous, on pense que c'est important, ceux qui viennent habiter au Québec, qui acceptent l'égalité homme-femme. Évidemment, on ne pourra jamais avoir un test pour s'assurer qu'ils croient vraiment à nos valeurs, mais il faut envoyer un signal fort, que si vous venez vivre au Québec, bien, vous êtes le bienvenu, mais il faut adopter nos valeurs. Donc, l'égalité homme-femme, le respect, on est contre la violence. Là. Puis je comprends... Et comment vous placez le burkini là-dedans? Vous mettez ça où? C'est une question de valeur. Ben, il y en a parlé. Non, mais c'est une question de valeur parce qu'effectivement, là, notre position est claire. Nous, on veut interdire les signes religieux chez les personnes en autorité, puis on les définit comme étant gardiens de prison, juges, policiers et enseignants au primaire et au secondaire. Donc, il n'y a pas de burkini là-dedans. Pardon? Et Jacques Metzing? Qu'est-ce que vous allez faire avec? Il n'y a pas de problème. Il est élu et démocratiquement. Donc, ça, ce n'est pas un problème. Mais les personnes qui sont en autorité, je pense qu'ils doivent montrer une certaine neutralité. Maintenant, à l'arrivée, je pense qu'il devrait avoir des tests de français obligatoires. Ce n'est pas le cas actuellement. Mais le français sera toujours vulnérable en Amérique du Nord. On doit le protéger. On a ce devoir-là quand on est premier ministre du Québec. Et pourquoi vous pensez que le Parti libéral du Québec... le protège pas assez souvent. C'est quoi la motivation du Parti libéral pour être un peu slack là-dedans? Bien, c'est une approche un peu plus multiculturaliste. Hein? C'est un peu la même approche que Justin Trudeau, ouais, de dire tout est permis. Mais moi, la crainte que j'ai, c'est que ça amène des dérapages. Je pense que Donald Trump aux États-Unis, c'est un dérapage. Je pense que Marine Le Pen en France, c'est, ouais, un dérapage. Si on ne veut pas de dérapage, il faut mettre certaines balises. Donc, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis? Et il y a une culture... qui doit être plus importante que les autres, les francophones, nos valeurs, Et il faut défendre cette culture-là. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas accueillant pour ceux qui venaient ajouter, mais il doit y avoir quand même des valeurs communes. J'ai l'impression, parce que le PQ aussi est un peu dans cette même optique-là, c'est qu'on va aller chercher, dans le fond, le vote des francophones, parce que c'est ce vote-là qui va déterminer, en fait, un petit peu quand même. Quand vous insistez quand même sur les valeurs, sur l'identité. Et on le voit avec le Parti libéral qui tergiverse avec sa commission sur le racisme et la discrimination systémique, parce qu'on a l'impression que ça va lui revenir au visage. Mais on peut quand même en parler, je pense, de ça, du racisme systémique, sans traiter les Québécois de racistes. Il y a quand même sûrement... C'est ça. Il y a une discussion à avoir là-dessus. Il y a des chiffres quand même. Les personnes issues d'immigration et des communautés culturelles sont plus au chômage que les personnes blanches. Effectivement. Il y a quand même des indicateurs qu'il y a un problème au Québec. Il y a effectivement un problème. M. Couillard refuse de le voir. Mais après 5 ans, quand on regarde les immigrants des 5 dernières années, le taux de chômage est 15% au Québec. Donc, il y a un problème d'intégration. C'est pour ça qu'on dit, est-ce qu'on ne peut pas en accueillir moins? Nous, on propose de réduire de 50 000 à 40 000, mais les intégrer mieux. Mais je veux revenir sur le français parce que aux États-Unis, quand on dit défendre les valeurs, puis les inquiétudes qu'il y a à protéger les valeurs, ce n'est pas une question de francophones, là, ce sont des anglophones aux États-Unis. Donc, ce n'est pas unique au Québec. Ces préoccupations, ces inquiétudes dans la société de dire, bon, oui, il va y avoir dans les prochaines années de plus en plus de gens qui vont venir se joindre à notre société, mais de dire, je suis préoccupé de protéger nos valeurs, notre langue. Je pense qu'on doit défendre ça sans passer pour des racistes. Ça me trouble quand vous dites nos valeurs, parce que je ne sais pas de quoi vous parlez un peu comme ça. Parce que vos valeurs sont... pas mes valeurs. Je vous entends, puis c'est pas grave, là, vos valeurs sont pas moins bonnes que les miennes, mais on n'a pas les mêmes valeurs. Fait que nos valeurs, moi, je trouve que vous avez un discours parfois un peu démagogique, un peu populiste, qui sont pas mes valeurs. Alors, comment vous faites pour définir que vos valeurs sont les valeurs de notre société? Prenons l'exemple de l'égalité homme-femme, OK? Quand on demande à Québec solidaire, est-ce qu'un nouvel arrivant qui se dit clairement en désaccord avec l'égalité homme-femme, est-ce qu'on devrait l'accepter? Les gens de Québec solidaire vont dire oui. Moi, je pense qu'on doit leur envoyer le message qu'ils ne sont pas bienvenus. Donc, c'est un exemple. Là-dessus, on peut avoir des opinions différentes. Moi, je pense que c'est important. Quand on a 50 000 nouveaux arrivants à chaque année, là, ça, c'est 500 000 au bout de 10 ans, qui s'en viennent tous dans la grande région de Montréal, je pense que c'est important de protéger nos valeurs fondamentales. Il peut y avoir des écarts, on peut avoir des différences dans les valeurs, mais par exemple, l'égalité homme-femme, je pense que c'est une valeur fondamentale au Québec. Il y a un autre truc aussi, parce qu'on parle de cette commission-là sur la discrimination et le racisme systémique. Je pense que le problème là-dedans, c'est peut-être le terme systémique. Oui. Mais comme Fred le soulignait, il y a certainement une discussion à avoir. Vous parliez des immigrants qui avaient plus de difficultés à s'intégrer parce qu'on le faisait peut-être d'une moins bonne façon, ou en tout cas, il y a une meilleure façon à trouver. Mais le racisme en général, puis bon, peut se trouver dans une société québécoise sans parler d'immigration. Je veux dire, les personnes de couleur, les minorités, le vivent. Et c'est toujours embêtant. Puis là, on est 1, 2, 3, 4, 5, 6 hommes blancs. Je veux dire, tu sais, c'est bien embêtant d'avoir cette discussion-là en ce moment. Mais c'est vrai pareil. Ce qui fait que il y a une réalité. C'est ça. Il y a une réalité. Problème. Est-ce que c'est complètement mauvais cette commission-là? Non. Effectivement, il y a un problème. Est-ce que la solution, c'est de gratter le bobo ou c'est pas plutôt de mettre en place, de poser des actions, poser des gestes? Ouais. Par exemple, bon, il y en a qui proposent que les CV qui sont envoyés par ceux qui postulent sur un poste, qui est comme une façon de s'assurer que le nom... ce soit presque soit un chiffre. Effectivement, vous avez raison aussi, si on prend les Noirs, c'est pas une question de ce que c'est un nouvel arrivant non. Il y a un problème où le chômage est plus élevé. Donc, il y en a des problèmes de racisme au Québec. Mais il faut agir, pas essayer de faire une commission d'enquête pour faire de la petite politique. Je pense que les gens ont senti que M. Couillard voulait faire de la petite politique, de traiter et le Parti québécois et la CAQ de racistes, d'intolérants. Mais si je peux me permettre, puis ça me met très mal à l'aise depuis un moment, puis dans la presse, il y avait un dossier sur le racisme la semaine dernière. Je trouve que, justement, on parle de protéger le français. Je pense pas, moi. J'ai regardé les propos dans la presse. Je pense pas que les Québécois sont tellement racistes. Ils sont xénophobes. Et si on omet les choses juste comme elles sont, parce que le racisme, c'est vraiment penser qu'une race est inférieure à l'autre, alors que le Québécois a peur de l'étranger. Ouais. Ça s'appelle la xénophobie. Et c'est pas la même chose. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut que le Québec travaille, moi. Je pense pas qu'il faut généraliser. Je pense que oui, il y a des problèmes. On n'est pas les seuls. Ce que vous avez fait avec les Roms, moi, je trouve ça exemplaire. Mais ici, au Québec... Un raciste, en tout cas, c'est pas mal. Oui, un raciste, c'est pas mal. Mais, au Québec, là, c'est pas vrai que tous les Québécois sont xénophobes. Et puis qu'il y a un système. Parce que la commission s'appelle le racisme systémique. Oui. Je pense que c'est complètement exagéré. Bon, dernière question qui nous a vraiment intéressé pendant les deux dernières semaines. On parle de Netflix et ça, parce qu'on parle de valeurs aussi au Québec. Mélanie Joly nous a proposé une belle solution. J'ai compris. Ben c'est ça. Et là, je fouillais un peu qu'est-ce qui s'est passé à la CAQ. Quelle était votre opinion là-dessus? Il y a François Bonnardel, un ami d'émission qui est venu à plusieurs reprises ici, qui disait que c'était une bonne nouvelle. Vous avez tout de suite rajouté, bon, peut-être que ça serait peut-être exagéré de parler de bonne nouvelle quand c'est une injustice fiscale. Je pense que François a eu une première réaction de dire, bon, ils veulent investir. Ben, il aime ça de la bonne TV. C'est de la bonne TV, qu'est-ce que tu veux? Mais je pense que ce qui est clair, là, on ne peut pas dire on va charger la TVQ et la TPS à Illico ou à Tout.TV, mais ne pas le charger à Netflix. Il faut qu'il y ait une équité, puis même on devrait plus aider les compagnies québécoises que les compagnies américaines. Donc, il n'y a pas d'équité dans ce que propose Mélanie Joly, et ça, il faut le dénoncer, puis je pense qu'elle pourra essayer de l'expliquer pendant des heures, des jours, des semaines. Jamais je serai d'accord avec elle. Quand on s'est vu la dernière fois, vous nous aviez parlé, puis je pense que c'était au beau dimanche, vous nous aviez parlé d'une élection... Peut-être cet automne, vous laissiez flotter ça dans l'air. Est-ce que ça se peut encore? Bien, juste cet automne, c'est peut-être court un peu, mais avant la date officielle de l'année prochaine, est-ce que ça se pourrait, ça? Moi, je me rappelle, en 2012, Jean Charest, qui nous avait dit au mois de juin, il n'y aura pas d'élection en 2012, mais en plein mois d'août, il a déclenché une élection. Ouais. Donc, je suis toujours prudent avec les libéraux. Il faut toujours être prudent avec les libéraux, mais je pense que quand on regarde le résultat de Weber, là, ils ont fait 19% tout d'un coup, dans une forteresse libérale, je serais très surpris que M. Couillard déclenche une élection cet automne. Mais M. Legault, de toute façon, on va se revoir d'ici la prochaine année, parce que au plus tard, l'élection, c'est dans un an, ou à peu près. 1er octobre 2018. Alors, merci d'être venu nous voir, M. Legault. Grand merci. Plaisir. François toujours Legault. Toujours un plaisir. Mais là, je savais pas que j'allais pogner un marabout qui se réveillait. Un raciste qui se réveillait encore. Vous restez avec nous. Ça va mal finir. Je dois quitter. Tout de suite! Ben, en même temps, on va parler dans votre dos. Restez jusqu'à la fin de l'heure, comme ça, je pourrais tenir un œil sur Serge Lancôme. J'ai reçu beaucoup de commentaires, en fait. Là, je suis œuvre un peu de modestie. On m'a accusé la semaine dernière sur Twitter. Moi, je retiens surtout l'idée d'être en paix avec soi-même. Je ne jette pas le blâme aux libéraux qui sont au pouvoir depuis 1903. Jean-Philippe, je suis en colère. Alors, Jean-Philippe, je ne dérange pas avec votre ami François. Ah ben là, regardez, là, on jase. C'est le retour de mon billet. Où je suis en colère pendant 5 minutes, Jean-Philippe. Sauf que cette saison, ce sera différent, puisque comme je ne bois plus d'alcool, je ne suis plus jamais en colère. Hein. Maintenant, je suis devenu un passionné de bienveillance. Cela dit, ça ne m'empêche pas de m'indigner et de distribuer mon mépris à certains de nos dirigeants, sauf que maintenant, je le fais dans la bienveillance, comme je disais, comme je dis souvent, le mépris, quand c'est fait dans le respect, ça passe toujours mieux. Oui, c'est ça. Mais aujourd'hui, je ne me sens pas du tout en colère. Au contraire, puisque cette semaine, on a appris une excellente nouvelle. Oui, ça y est, la compagnie TransCanada a annoncé officiellement que son projet de pipeline Énergie-Est, qui devait partir de l'Alberta et traverser le Manitoba, l'Ontario et le Québec pour aller mourir dans les Maritimes, allait être complètement abandonné. Je pense qu'on peut, s'applaudir. Ouais, je pense qu'on peut s'applaudir parce que je suis persuadé que c'est grâce à la persévérance de militants, d'environnementalistes, de scientifiques, bref, de la population civile québécoise qui ne voulait pas d'un projet bâclé qui n'allait servir qu'à enrichir une poignée d'actionnaires que la compagnie TransCanada a dû reculer. Moi, je dis ouf, Jean-Philippe, parce que je suis sûr que nous sommes passés très, très près d'une catastrophe environnementale qui allait se produire tôt ou tard avec ce type de projet. Alors ensemble, disons un gros ouf. Ouf! Et voilà. Ouais. Et là, il y a des gens qui sont déçus. J'écoutais d'ailleurs le chroniqueur René Vézina à notre antenne cette semaine en parler. Il semblait bien tristounet. Il disait que ce sont quand même 15 milliards en investissements qui s'envolent en fumée. Le plus grand d'investissement au Canada de toute la galaxie, 15 milliards, c'est sûr que ça fait rêver, mais n'oublions pas que c'était toujours bien 15 milliards pour faire passer du maudit pétrole sale de l'Alberta vers les Maritimes, en passant par nos cours d'eau, nos écoles, et même par la bouche de votre grand-mère, Jean-Philippe. Ah, ben non! Ouais. Et d'ailleurs, on a eu encore droit à une flopée de commentaires haineux du Rest of Canada envers le Québec cette semaine. Là, je me permets en toute bienveillance de poser une question. À quand une commission sur le racisme systémique canadien envers le Québec, M. Couillard? Évidemment, on a eu droit aussi à un peu de pisse-vinaigrisme de la part d'experts des HEC qui ont expliqué que la décision de TransCanada était surtout une décision d'affaires, que le projet d'énergie S n'était plus rentable et que l'opposition de la population n'avait rien à voir. Moi, j'ai envie de dire chou. Chou, les experts des HEC, une école qui forme des pisse-vinaigre à la pelle depuis 1903. Oh. Chou, les HEC! Pas d'accord. Évidemment! Évidemment, c'est pas supposé de partir, monsieur. Oh, Fred! Évidemment, je pense que la décision Trans-Canada ne fera pas l'affaire de notre bon gouvernement fédéral qui adore les émissions de gaz à effet de serre. C'est ce qu'affirme Julie Gelfin, commissaire à l'environnement. Après enquête, Gelfin a démontré que depuis 25 ans, le bilan environnemental du Canada est surtout composé de blabla et de promesses d'ivrogne. Le Canada a beau aller dans des conférences sur le climat en chess, en portant des bas de Chewbacca et dire dans les deux langues en même temps que l'environnement c'est primordial, comme le fait si bien Justin. Dans les faits, il s'entorche. Depuis 25 ans, le Canada a annoncé en grande pompe 4 fois qu'il allait réduire ses émissions de gaz à effet de serre. D'abord en 92 au sommet de la Terre de Rio, en 2005 à Kyoto, en 2012 lorsqu'il a signé l'accord de Copenhague et en 2015 à Paris. Dans les 4 cas, il a failli à respecter ses promesses. Et dans le cas des accords de Paris, on est déjà 200 millions de tonnes en deçà des promesses fixées pour 2020. On n'atteindra pas les objectifs. Alors moi, je propose une solution pour le Canada réduise enfin ses émissions de gaz à effet de serre. Et ma solution est la suivante. Nommer Mélanie Joly ministre de l'Environnement. On l'a vu dans le dossier Netflix. Mélanie Joly a été excellente pour réduire les émissions canadiennes de télévision. Elle sera... Elle serait sûrement tout aussi excellente pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. En plus, je propose de surcroît que chaque fois que Mélanie Joly prononcera une ineptie, le gouvernement canadien s'engage à verser le montant de la TPS sur un abonnement Netflix. Comme ça, les Canadiens ne seront pas plus taxés et on s'assure ainsi que l'industrie canadienne de la télévision reçoive des milliards chaque année. Jean-Philippe, voilà, c'est ma solution. Je vous remercie, Fred Savard. Bravo! C'est-tu moins ou Fred, il est moins drôle depuis qu'il ne boit pas? Bon, je savais. J'étais sûr que vous allez dire ça, Serge. Il est extrêmement ça me dérange agréable. Pas. Okay. Moi, la tyrannie agréable. Du rire. Là, c'est t'as jamais eu ça, Fred. J'aime. Oh, bon. Monsieur Legault, je pose la question parce qu'au France, il est parti. J'ai bien non ici. On pourrait faire un échange, peut-être. Vous avez mentionné au Franc-Tireur en 2014 que si vous ne gagniez pas en 2018, vous vous projetiez, là, vous alliez quitter. Vous aviez déjà parlé de ça. Est-ce que ça tient encore, ça? Bien, d'abord, on va gagner. Ah, OK. Bon, c'est ça, je me disais, c'est niaiseux. Non, mais c'est oui, vrai. Mais sans la question, rire, mais non, c'est ça, je suis niaiseux. Je sais pas pourquoi j'ai... Puis Jean-Philippe, sa compagne derrière, elle fait non. Elle veut être première dame. Ben là, je comprends donc. À un moment donné, c'est maudit, tu sais. Ça fait combien d'années que la CAQ existe officiellement? Ça va faire 6 ans le mois prochain. Non, ça passe. Tout? Ben, ça a paru bien plus long que ça. Ouais. Vous savez que... Vous savez que René Lévesque a fondé le Parti québécois en 68. Oui. En 70, ils ont eu 7 députés. En 73, 6 députés. Puis en 76, 8 ans plus tard, ouais. Gouvernement majoritaire. Ouais. Oui, mais c'était René Lévesque. Mais c'était René Lévesque. Oui, oui. Mais, mon Dieu, Serge! Qu'est-ce qui se passe? Ben, les gens appuient. Là, j'ai vraiment dépassé que... quelque chose parce ouais. que ce public qui rit à n'importe quelle niaiserie, tout à coup. C'est un public de caquistes, ça. Je vous souligne, M. Denoncourt, qu'on a 21 députés de la CAQ actuellement. Bravo. Bon. Bravo. Oh, je suis tanné de l'avoir, là. Je viens de me rappeler pourquoi je m'ennuyais pas tant que ça de Serge. Merci. On s'en va, Olivier. Ah, mon Dieu, c'est court, hein? Ça s'appelle-tu une jingle, ben, ça? Il faut l'expliquer, c'est que la semaine dernière, en réunion, on a dit à notre réalisateur que certains nouveaux indicatifs sonores étaient un peu longs. Et notre réalisateur est un petit peu passif-agressif, alors il a bien réagi à la critique et en a fait un très court. J'aime pas ça. Ça vous fait plus de temps d'antenne, Olivier? Ben oui. Vous nous parlez de quoi cette semaine? Il s'est passé beaucoup de choses cette semaine. On va commencer avec quelque chose de relativement léger. On m'a fait parvenir le lien vers une entrevue qu'a donné le futur ministre caquiste Gaétan Barrette. La semaine dernière, CIHOFM. Ça va refuser. Oh, comme disait la femme de l'autre. Là. Ouais, il est convaincant. Ça, c'est drôle. Donc, c'était à C-I-H-O. Mélangez pas Olivier, il faut qu'il suive son fait. On vient par le dire, C-I-H-O-F-M, oui. Une radio de Charlevoix. Et M. Barrette est en entrevue téléphonique le matin avec sa collègue, la députée locale, Caroline Simard. Une entrevue qui a bien commencé quand même. Bon matin à vous deux. Bon matin. Oui, bonjour. Vous êtes en forme, M. le ministre? Ah oui, à tous les jours. Hein. À tous les jours, bon, excellent ça. Bon, il n'y a rien d'anormal ici. C'est après une minute qu'on peut analyser les propos du ministre d'une autre position, la position assise, alors que Mme Simard répondait à la question de l'animateur. Écoutez attentivement. Pour vous, Mme Simard, que le dossier soit rendu là, on vous a entendu souvent en parler, c'est une belle épine dans le pied, une grosse roche dans votre soulier qui disparaît, là. Bien, c'est une excellente nouvelle pour la région, pour la couverture également médicale de notre territoire. Enfin, un hot seat pour M. Barrette, en direct du cabinet du ministre. Ça donne un autre sens à l'expression « le discours du trône ». C'est dur à croire qu'on est vraiment c'est dur à ça, croire, non? L'animateur a été très professionnel. Il n'a pas flushé M. Barrette en cours d'entrevue. Pour rester dans la politique provinciale, mention spéciale. C'est l'année de trop, mais pour tout le monde, je pense. Même pour M. Barrette. Mention spéciale à François Bonnardel, votre collègue qui a défendu un de ses collègues en chambre mardi. Oui. Je vous demande que la ministre retire ses paroles. Là. Les propos de mon collègue sont très honnêtes, ce sont des faits factuels. Ah, ben il ne peut pas avoir plus vrai que ça, des faits factuels. Et parlant de faits factuels, notons aussi les propos de la ministre Christine Saint-Pierre qui n'a pas trop voulu se prononcer sur les violences en Espagne parce que de toute façon, les Catalans ne sont pas vraiment indépendantistes. J'ai eu des discussions avec des Catalans là-bas, et ce n'est pas une majorité de Catalans qui est pour l'indépendance. Alors, je ne sais pas c'est quoi sa marge d'erreur. Moi, en tout cas, la majorité du monde à qui j'ai parlé trouve que Christine Saint-Pierre n'a pas ce qu'il faut pour être ministre, mais ça ne veut pas dire que je vais tirer des conclusions à partir. Ah, voyons! C'est une collègue, en fait. Hein? C'est une collègue. Du côté fédéral, maintenant, il y a le député du NPD, Pierre Nantel, qui s'est fâché, comme plusieurs, de l'entente survenue entre Mélanie Joly et Netflix. La patinoire penche du côté des joueurs internationaux. C'est inadmissible. Bon, une patinoire qui penche, c'est probablement de ça que le Canadien va avoir besoin cette saison. Il y a aussi Justin Trudeau qui a rendu hommage à Julie Payette, la nouvelle gouverneure générale. Le 27 mai 1919, c'est tout un pays qui vous a regardé quitter la terre avec fierté et émotion. C'est vraiment une pionnière de l'espace. Ouais. Sinon, ben, le gros sujet à l'Assemblée nationale cette semaine, c'est un sujet qui me touche particulièrement, c'est le dépôt de cette pétition. L'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, sous-signés, demandons au gouvernement du Québec de modifier la réglementation relative à la chasse dans le but de légaliser la chasse à l'écureuil sur le territoire québécois. Bon, je vois pas ce qu'il y a de drôle là-dedans. Moi, je trouve que c'était un grand moment pour cette cause qui me tient à cœur. Ben oui, vous haïssez les écureuils. Oui. Ils vous rendent bien, d'ailleurs. C'est vrai, ils ont tous magané ma poubelle. Ben oui. Malheureusement, il y a un événement qui est venu assombrir tout ça, voler un peu la vedette à cette pétition. C'est, les gens le savent, le commentateur Luc Lavoie de LCN a dit qu'il aimerait bien chasser le séparatiste avec son gun, comme il pourrait chasser les écureuils. Pas besoin de vous le faire entendre, vous l'avez probablement entendu. C'est maintenant une pièce à conviction dans une enquête policière, alors on va pas prendre de chance. Je vais juste quand même vous faire écouter le rire de Luc Lavoie après sa bonne blague. Luc, fais pas de blague avec ça. Vraiment pas, là. C'est magnifique. Seigneur. Par contre, M. Lavoie s'est excusé durant la soirée sur Facebook. Je le cite, « Dès que je l'ai dit, j'ai su que cela était offensant et odieux. » Alors, on peut peut-être écouter son rire après qu'il se soit rendu compte qu'il était offensant et odieux. Alors, ça... Les dernières notes étaient plus minces, je dirais. C'était plus repentant. Rien de fumeur. Hein? Oui. En passant, M. Lavoie sort sa biographie sous peu. Ça va s'appeler en première ligne « Le parcours atypique d'un communicateur ». Alors, j'ai hâte de lire ses conseils pour bien communiquer. Sinon, Sylvain Bouchard du FM 93 a, lui, défendu Luc Lavoie, indigné de voir que sur Twitter, au Québec, le nom Luc Lavoie était plus populaire que celui du tueur de Las Vegas. Donc, Luc Lavoie était plus sur la stellette qu'un meurtrier, comme il nous l'explique. Qui se retrouve aujourd'hui plus sur la stellette que le tueur de Las Vegas en dit beaucoup sur le Québec, le politically correct et la véritable police. La police que vous voyez dans les rues là, qui court après les bandits, c'est pas elle la plus forte. C'est la police de la pensée. Bon, En fait, au contraire, c'est à cause de la vraie police qui court après les bandits que Luc Lavoie a été retiré des ondes. Donc, la SQ mène une enquête. Ça me semble un peu exagéré, mais j'insisterai pas là-dessus pour que la police de la pensée me donne un ticket mental. D'ailleurs, après avoir comparé Luc Lavoie au tireur de Las Vegas, Sylvain Bouchard a voulu dénoncer ceux qui se servaient de la tragédie de Las Vegas pour faire la promotion d'un registre des armes à feu. Puis ailleurs, il y en a eu d'autres, des attaques au camion Bélier. Là. Marché de Noël, justement, comme tu dis, à Berlin. Saint-Jean-sur-Richelieu. Ben oui, Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est avec l'auto qui l'a tué. Ben oui, c'est déjà... Alors, on fera jamais de registre des couteaux ou de registre des autos. Là. On pourra pas en arriver là, vous le savez bien. Alors, un registre des armes à feu ou des lois plus sévères pour les armes à feu ne seront jamais un remède absolu ou une protection contre ça. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On verrait jamais ça, un registre des voitures avec des immatriculations, des, cours, des permis, des assurances. Heureusement. Ça serait vraiment ridicule. Heureusement. Là, oui. Heureusement. On n'est pas à l'URSS. Non. Sinon, il y a sa collègue Myriam Segal qui, elle, rappelait pourquoi c'est important d'avoir des armes. C'est les Américains qui sont armés, là, ils se réclament du droit ancestral d'être armés parce qu'être armé, dans 1776, ça leur a permis de sacrer les Anglais d'en haut. J'ai déjà parlé à des résistants français, d'anciens résistants français qui disent « Si on n'avait pas eu nos armes, comment on aurait résisté? » Tu sais, que le simple citoyen soit armé n'est pas un scandale. Alors oui, sans armes, on ne pourrait pas se défendre contre les loyalistes britanniques et les nazis. Et moi, ça me donne envie d'aller m'acheter un mousquet. sur une note... J'aime ça dire mousquet. C'est oui. Joli. Ah oui, c'est cute. Pour une note plus légère, peut-être, on va parler un peu de drogue douce. Il y a l'Alberta qui a indiqué cette semaine ce qu'elle entendait faire pour réglementer l'utilisation du cannabis, comme le rapportait cette journaliste de Radio-Canada. Il faudra être âgé d'au moins 18 ans pour se procurer et consommer du cannabis en Alberta. La limite de possession en public est fixée à 30 grammes par adulte, soit l'équivalent d'environ 40 joints. Ils fument des vraiment gros battes en Alberta. 3 quarts de gramme le joint, ça fait combien de papiers, ça, Fred? Ben, c'est pas un 2 papiers, c'est sûr. C'est plus que ça. C'est un 5-6 papiers facile. Au moins. On a aussi pu entendre au Radio-Journal cette nouvelle sur les cyclones dans les Caraïbes. Dans de forts risques de devenir un cyclone, selon le Centre national des ouragans des États-Unis. Les ouragans, et ça m'a rappelé... ça m'a rappelé ce commentaire que j'ai entendu cet été d'un certain Robert Pilote, qui est chroniqueur à la radio de Trois-Rivières. Mais il y a certains dossiers, de mon point de vue, quand ça touche l'identité notamment, qu'un premier ministre ne peut plus se permettre d'agir ainsi. Alors voilà, espérons que notre premier ministre réagira bien. Non. Contrairement à Donald Trump. Je vous remercie, Olivier. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas d'allure. Olivier Niquette, mesdames et messieurs. Merci, Olivier. C'est déjà tout pour la première heure. La soirée est encore jeune. On va laisser aller François Legault. Merci de nous voir. De toute façon, on va se revoir d'ici la prochaine année, j'imagine, avec les élections. On va recevoir aussi notre ami François Bonnardel. Il y a une question qui me revient tout le temps. Est-ce que vous vous ennuyez de notre ami Gérard Deltel? Nous, on s'en ennuie. Évidemment, il est tout le temps à Ottawa, le Moses. Mais est-ce qu'il vous manque, Gérard? Soyez honnête, là. Parce que... Aviez-vous une autre question? Mon Dieu, je vais vous inviter en même temps la prochaine fois. Comme ça, on va essayer de rétablir quelque chose. Non, mais on s'excuse. La prochaine fois, on va vous inviter avec Louise Deschâtelet. Ça va être moins... Oui, c'est vrai. Ça va être... On va parler d'homéopathie. C'est bien plus intéressant. Merci, François Legault, d'être venu nous voir. Vraiment. Merci beaucoup. Très agréable. Bonne fin de soirée. Et puis, on se revoit dans le début de deuxième heure. On va parler avec Serge. Non, mais j'ai plein de questions pour vous, Serge. Attends. Oui, mais je sais pas. Là. En fait, je suis de moins en moins sûr de votre présence ce soir. Et puis après ça, on a Virginie Fortin qui va compléter la deuxième heure de la soirée est encore jeune. Mon Dieu, vous êtes tombé. Est-ce que vous êtes marabout du mauvais pied? Qu'est-ce oui, que je me suis levé du mauvais pied. Vous devriez arrêter l'alcool, Serge. Non, j'ai pas bu. Ça fait un mois que j'ai pas bu. Pour vrai? Oui, moi aussi, je suis moins drôle. Comment ça, vous avez le teint gris? Parce que j'ai travaillé, Fred. C'est vrai? Vous avez pas perdu de poids, vous, contrairement à Fred? Non. OK. C'est juste pour être certain. Merci. OK, on se revoit pour être certain. En deuxième heure après, une dizaine de minutes de nouvelles à la soirée est encore jeune. deuxième heure pour la soirée est encore jeune. Et pendant les 10 minutes de nouvelles, j'ai commencé à feuilleter le nouveau nouvel opus d'Olivier Niquette. Opus. C'est bien fait. Oui, oui. Belle mise en page. Son roman historique sur les citations. Et c'est drôle, j'ai trouvé une citation qui pourrait peut-être vous intéresser, Serge. C'est une citation de Jacques Demers qui disait en 2010 « Mais quand Georges Larac parle, il ne devrait pas parler. » Et je trouvais que ça vous allait totalement, ça. Mais ça sent le racisme systémique, votre affaire. On en reparlera de vos problèmes plus tard, Serge. En attendant... Êtes-vous urologue, vous, Coudon? En plus, Jean-Philippe, vous avez dit quand M. Dononcourt est en retard, ça va juste faire des blagues de pénis de moins. Ben comme de fait, hein, on s'est sauvé une petite... Je vais me rattraper dans la deuxième heure. On a un urologue commun, Fred et moi d'ailleurs, on vous le recommande. C'est comment il s'appelle, M. Le Tendre? Oui. Oh mon Dieu, quel beau mot. Docteur Le Tendre, oui. À l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites avec un urologue commun? Ben, toutes sortes de choses. Vous allez être en bonne main avec lui. J'ai des images, là, puis on dirait que j'ai mal au cœur. Pas sûr. Je pense pas que vous avez mal au cœur. OK. Alors, c'est question pour un jambon. Vous vous rappelez évidemment de notre concours. Vous le connaissez, notre concours, Serge, question pour un jambon? Non, je vous écoute plus depuis un an et demi. OK. Ben, on appelle notre public. On a une question. Pour eux, c'est une question de type trivia sur la soirée est encore jeune. Faut être fan, évidemment. Ça, je peux-tu faire un petit commentaire? Oui. Des questions de type trivia, là. Oui, ça me fait rire. Ça se passe un anglicisme. Mais je sais. OK. OK. Ben, dites-le en français. Des questions. Mon Dieu, on va avoir moins de femmes, mais au moins on va être correct. Ben, faites-le en anglais au complet, cette émission-là, si vous avez du temps. Mon Dieu, pourquoi vous n'êtes pas parti avec M. Legault? Il s'en allait. Je vais le rejoindre après. Okay. Alors, la question de ce soir, c'est comment s'appelle la nouvelle date de Jean-Sébastien? Ouais. Monique André Michaud, c'est ça le nom de votre mère, hein? Ouais. Mais c'est pas ça le nom de votre date? Mais non. Ah, OK. Alors, on dit pas une date, on dit un rendez-vous galant. Ah, voyons! Un rencard! Un rencard! Comment s'appelle le nouveau rencard de Jean-Sébastien? Alors, Serge, donnez-moi un numéro entre 1 et 10. Ben, 1. OK. On parle toujours même de date. Dans ce choix-là. On parle toujours de date de Jean-Sébastien. Ouais. Non, on appelle quelqu'un qui doit nous répondre à la question comment s'appelle la nouvelle date de Jean-Sébastien. Même dans son choix de chiffre, il n'est pas bon joueur. Alors, c'est Camille Champagne qu'on va appeler de Montréal, mais elle a l'indicatif 438. Alors, elle doit avoir comme 16-17 ans maximum. Ouais. On va composer. Ou c'est une nouvelle immigrante, hein? On sait pas. Arrivante. Une champagne de champagne. Alors, voilà. Alors, ça va sonner. Et la question, c'est comment s'appelle la nouvelle date de Jean-Sébastien? A, José. B, Marcel. C, Daniel. Non, c'est pas vrai. Moi, je sais pas, mais je l'ai vu. Chut, chut, chut. Mais non, vous l'avez pas vu. Eh oui, mais non, mais non. Mais oui, mais non. OK, Camille Champagne. Qui parle? Hein? Parle, ouais, mais... Ah, qui parle? Ben oui, c'est pas loin d'être ça. Ben bravo! Ah ben! Ça me semble confus. Ben, c'est un peu confus, mais vous savez ce que c'est, hein? C'est question pour un jambon, Camille. Ben mon Dieu, vous avez une voix masculine, Camille, hein? Oui, c'est moi. C'est juste que c'est mon chum qui vous aime vraiment. Fait que j'ai dû répondre. Ah! Vous nous aimez pas vraiment, vous? Pardon? Vous nous aimez pas vraiment, vous? Non, mais c'est lui qui vous a fait découvrir l'année passée. Bye bye, Camille! Est-ce que vous savez ce que c'est que une question pour un jambon? C'est notre nouveau concours cette année. On n'est pas au courant, non? Non, ben ça, c'est dommage. Hey. On vous pose une question sur la soirée est encore jeune et vous devez y répondre, évidemment, pour réussir à acquérir deux beaux billets pour la soirée est encore jeune ainsi qu'un beau jambon. Alors, la question est toute simple. Comment s'appelle la nouvelle date de Jean-Sébastien? Oh my God! C'est ça qui arrive, hein? Mais on peut vous donner des indices, par exemple. Allez-y, on vous écoute. OK. Alors, je peux vous donner un choix de réponse. A, José. B, Marcel. C, Daniel. D, Claude, Clarence, ou est... On dirait que ça va d'un bord comme de l'autre, hein? Ou F, Gabriel. Ma réponse, c'est José. Non. Ça, c'était l'année dernière, José. Malheureusement, José, cette année, c'est... on se rappelle qu'il y a un accident d'équitation. Ce qui fait que c'est Gabriel cette année, d'où les clins d'œil que je vous faisais. Évidemment, vous êtes à la radio, donc c'est un peu maudit. Mais je faisais comme Gabriel. Enfin, peu importe, vous allez suivre la soirée, t'es encore jeune. Est-ce qu'on donne deux billets, peut-être? Hey, non, c'est gratis, les billets. Je comprends pas votre concours. Mais c'est super difficile d'avoir des billets. Vous avez un point, Serge. Puis en plus, il a pas répondu à la question. Tant qu'à ça, arrêtons de faire ça. Prenons des billets dans le... Ben non, ben non. Camille, vous n'avez pas gagné, non, là. Non, bye, voyons. Je suis d'accord. Je suis tellement désolé d'avoir eu Serge Deloncourt comme. Surtout que votre blonde a l'air un peu démente. Oh, ça n'a pas de bon sens. Je parle à qui, là? Le chum de Camille Champagne s'appelle comment? Hubert Gaucher. Non, franchement. Votre vrai nom? Votre vrai nom. Est-ce que vous avez un préféré dans l'équipe? Moi, je suis pas dans l'équipe, là. C'est Jean-Sébastien? Définitivement, oui. Alors, on vous donne évidemment 2 billets pour la soirée T'es encore jeune. Bravo! Alors, restez en ligne, on prend vos numéros de téléphone. Je vous remercie. Merci de nous écouter, Hubert Gaucher ou quelque chose comme ça. Et Camille Champagne, c'est un grand, grand plaisir de vous avoir eu au téléphone. Merci à bientôt. Tout le monde. Bravo! Merci. Hubert Gaucher. C'est le moment d'accueillir notre invité d'honneur qui se trouve être aujourd'hui ni plus ni moins que Serge Denoncourt. Mais n'empêche, on s'est ennuyé un peu, Serge. C'est super. Ça va être comme ça pour 5 minutes. Mais, touchez-moi la cuisse en même temps. Non, mais on a parlé de cette controverse au Dieu de la danse. Parce que vous vieillissez mal, c'est peut-être moi. Là. Parce que vous trouvez que vous vieillissez bien, là, Jean-Sébastien, vraiment. Là. OK, rapidement. Non, mais la grosse nouvelle durant la dernière année, c'était votre arrivée à C'est juste de la TV. Ouais. Et ça a été votre départ de C'est juste de la TV après même pas un an de télé. Ouais. Mais pourquoi vous avez décidé, puis pourquoi vous avez décidé de rester au Dieu de la danse, par exemple, mais vous avez décidé de quitter C'est juste de la TV? C'est tellement plate comme question et comme réponse. C'est juste la danse, les gens ne le savent peut-être pas, mais on tourne ça en peu de jours, c'est tout ramassé, alors que C'est juste de la TV, c'est toutes les semaines, et que je pars bientôt là pour la France, pour la Serbie, mais Romanichel, c'est très raciste ce que vous venez de dire, pour travailler avec les jeunes en Serbie gratuitement pour enrayer la ségrégation, pouvez-vous croire ça? Donc, je ne serai pas au pays, donc je ne peux pas écouter le Canal V en Serbie et me faire chier royalement. Donc, c'est pour ça. Parce que sinon, j'avais plutôt du fun à faire ça. Mais Jean-Seb? Oui, je pense qu'on peut dire aussi que les dieux de la danse ne sont pas animés par Anne-Marie Wittenshaw, fait que c'est sûrement... Ça aide? Franchement, ça a-tu du bon sens? Non, mais parce que les dieux de la danse ne sont pas animés, simplement. Ah, oh, je l'aime. On pensait que c'était un ami de l'émission. Ça fait longtemps que je le sais, moi, que ça n'en est pas un. Parlons de... Je suis content que tu aies arrêté de boire parce que je te l'ai tellement demandé l'année passée pendant les répétitions. C'est pas vrai. Tu voulais rien savoir. Je suis content que tu m'écoutais. C'est pas vrai. Arrêtez de boire. On l'a-tu ramassé sous dans l'âge? Mon Dieu. C'est tellement pas vrai. Toujours avec une jeune fille avec un nom composé. Un nom de famille composé aussi. Ah, oh, on est rendu pas mal à l'interne, là, je pense. Ah, mon Dieu, on est fait en train de... Posez des questions. Non, mais parlons de votre pièce au Rideau Vert qui a juste commencé. La mort d'un commis voyageur. On va en parler un peu plus tard parce que c'est le sujet du Vu pas vu entre Jean-Sébastien Girard et Olivier. Mais c'est Marc Messier qui tient le rôle principal. C'est vous qui l'avez approché au départ pour faire... Non, c'est plus cosmique que ça. C'est-à-dire? C'est-à-dire que dans un party ben sous, Marc me disait qu'il laissait brou, qu'il avait le goût de toucher un grand rôle au théâtre et qu'il ne le ferait avec personne d'autre que moi. Et vraiment sous? Non, il aurait dû dire Serge Postigo. Puis moi, j'ai dit, ben oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée, t'es un bon acteur. Puis en parlant, on a dit la mort d'un commis voyageur. Je trouvais qu'il y avait le profil du monsieur next door, du petit monsieur ordinaire sur qui Bulldozer passe. Et il y a ça, c'est il y a 3-4 ans. Et puis finalement, ça s'est réalisé cette semaine, jeudi soir. Est-ce que le théâtre était loin dans la mémoire de Marc Messier? Ben loin, non, parce qu'il faisait brou tout le temps. Par contre, c'est sûr que c'est un entraînement à prendre un texte, à prendre une nouvelle place. Alors, il a dû s'entraîner. C'est comme si je lui demandais de courir le marathon de Montréal, puis la première journée, ben il a traversé la rue. Et puis, on a travaillé. Il a fini par faire 2 coins de rue. Il a fini par faire 10 kilomètres. J'ai aucune idée de combien, le marathon de Montréal, mais en tout cas... C'est 157 kilomètres. Il a fini par franchir la ligne d'arrivée. Et c'est tout à son honneur, parce qu'il a travaillé très, très, très fort. Et il est très, très, très bon. Je suis curieux, parce que, Serge, je vous vois souvent dans les premières en kilt. Oui. Vous avez, c'est une superstition que vous avez de porter toujours le kilt pour une première? Non, non, pas toujours, mais ça c'est trop compliqué à expliquer. Là, ça dépend de ça dépend de plein d'affaires. Mais là, je peux le porter de moins en moins parce que vous savez qu'en vieillissant, on a la couille qui descend. Bon. Et voilà. Je pense que ou faut que je fasse rallonger mon kilt ou faut que j'aie une opération comme la face de Louise Marlowe. Là, oh, non. C'est drôle, j'étais assis à côté d'elle, Louise Marlowe. L'as-tu connue? Ben oui, ce que je viens de le dire. Et puis, quand on a fait prédiction, le premier show, vous nous l'avez fait commencer 7 minutes en retard. Oui, ça c'est vrai, c'est une vraie superstition. C'est-à-dire que moi, ma première mise en scène, quand j'avais 22 ans, a commencé 7 minutes en retard, parce qu'on était en retard. Et ça s'est très bien passé. Et depuis, je commence tous mes spectacles 7 minutes en retard, sauf que quand je fais des spectacles aux États-Unis ou à Londres, parce que oui, j'en fais, eux, ils veulent pas, parce que c'est pas dans leur culture. Alors, je suis obligé de, genre, voler un accessoire, puis dire, coudonc, il est où le parapluie de John? Là, tout le monde fait, voyons, on peut pas commencer le show, on a pas le parapluie, puis là, à 7h07, oups, le parapluie réapparaît. Mais pas de blague, ça, vous avez besoin de ces 7 minutes pour la première? Oui, puis c'est drôle parce que je suis pas superstitieux dans la vie du tout, mais dès qu'on est au théâtre, là, hier, je criais. Avant hier, je criais parce que quelqu'un a ramassé un fil blanc puis voulait le jeter. Puis je faisais, non, on jette pas un fil blanc, on le met dans sa poche. Puis là, mais gens, voyons! Puis là, les jeunes acteurs me regardaient comme ça, ils viennent péter. Eh là là. Mais de toute façon, on va en parler tout à l'heure avec Jean-Sébastien. C'est ça, vos questions, là. Il n'y avait rien de plus intéressant que ça. Là. 7 minutes, hein. Je viens de faire une grande œuvre. Jeannie Maurice en pleine ascension. Elle s'impose de plus en plus comme une excellente comédienne. C'est un plaisir de revoir à l'émission Virginie Fortin. Un peu de bonne humeur, ça fera pas de tort sur ce plateau-là. Et de l'estrogène aussi un peu. Ben oui, mais mon Dieu, Seigneur Jésus, est-ce bonsoir. Est-ce que je partage le cérumen de François Legault? Non, je pense qu'il les a pas portés, François. Parfait. Mon Dieu, mais c'est pas. Mais vous savez qu'on désinfecte tout, hein? Oui? Oui, ben à l'époque, on prenait la laine de Fred là, qui soufflait sur chacun, mais là, on ne peut plus. Fait que faut... Petit chat! On ne dérange pas. On est content de vous voir, Virginie. Oui. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était au Beau Dimanche. Vous aviez dit que notre décor était du recyclage du décor du Timé Show. Alors, oui, évidemment... c'est vrai. Je ne suis pas peu fière de ça. Mais on va vous parler de trop, parce que nous, on n'est pas dans la rancœur. Trop, qui Jean-Sébastien... a dévoré en trois jours. En trois jours, pour vrai. J'ai écouté le premier épisode à la télé cet automne, la télé régulière. Comme les vieilles personnes. À la vraie télévision. Dans la vraie télé. Je fais comme, ah, ça me semble sympathique. Je vais écouter un autre épisode sur Internet. Finalement, en trois jours, j'ai dévoré. Tout ça pour voir des beaux gars en chest. Oh, franchement. franchement. Et je suis en bobette aussi. Oui. Alors voilà. Je ne pense pas que ce soit ça. OK, bon, ça c'est j'essayais, le j'essayais. Serge, franchement. J'essayais quelque chose. Il y a un beau threesome là-dedans. Vous aimeriez ça, Serge? Je l'ai vu. Moi, j'étais à. Ben non, c'est assez. Là, je veux pas savoir qu'est-ce que tu faisais, franchement. Pendant le threesome. Mais bref, vous êtes formidable. Je suis quasiment impressionné de vous voir en personne. Ben voyons donc, merci, Seigneur. C'est ben trop sweet. La dernière fois que je suis venue à cette émission-là, c'était pas aussi sweet que ça. C'est vrai? Qu'est-ce qui s'était passé la dernière fois? Oh, je sais pas. Je pense que j'ai été traitée de bourgeoise puis j'ai eu le goût de partir. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ah mon Dieu, vous avez pas l'air d'une bourgeoise pantoute. Non? Ben non, comparé à toi, c'est sûr. Non. Comparé à vous. Bravo. Non, mais parlons trop parce qu'effectivement, c'est le succès. Ça fonctionne très, très bien aussi en code d'écoute parce que. Ah oui, hein? Ben oui, parce que l'idée était de mettre ça sur tout.tv. Les multiplateformes. Exactement. C'est toujours l'idée là, d'essayer de rajouter. C'est génial, ça, quand même. Mais en même temps, on comprend le pari, on comprend l'idée de donner une exclusivité pour les membres du, de tout.tv. Ben, moi non plus, je comprends pas. Je sais pas si ta question s'en va vers ça, parce que j'ai pas de réponse. Là. Non, c'est pas là-dessus, nécessairement. C'est que pour compétitionner Netflix et autres, on n'a pas le choix d'essayer des trucs comme ça. Puis je pensais qu'on payait déjà, moi, pour Radio-Canada. Hey, vous, là! Ah, c'est-tu possible? Mes taxes! Mes taxes! Mais pour vrai, moi, je pense que ça crée une espèce de confusion. Parce ben que oui, là, ça joue présentement à la télé. Je parle de cette série-là des gens, puis il y a des gens qui me disent « Ah oui, j'ai écouté la première, mais je n'ai pas écouté la deuxième. » Mais elle n'existe pas, la deuxième. On est en train de la tourner au moment où on se parle. C'est une espèce de confusion. Ça ne crée pas de moment, ça ne crée pas de rendez-vous. Voici la grande première. C'est comme un peu flou, trop. Si tu fais au point TV, si tu de la télé, alors que c'est une série formidable que les gens devraient voir, mais il y a une confusion, je pense. Il y a une confusion, puis on mise là-dessus pour le marketing. Les gens sont confus. Ils sont comme, voyons, je suis donc bien confus. C'est quoi? Je vais faire une recherche, puis ils trouvent. C'est-tu ça? C'est-tu l'âge adulte? C'est-tu on vient qu'on mélange les séries? Puis, Ben, je sais pas. C'est ça la question. J'ai l'impression d'écouter ma grand-mère qui discute avec oui. Ça me rend confus, ça. Non, mais c'est multiplateforme, c'est ça. Ça arrive. On peut tous le regarder au mois de mars sur tout TV. Après ça, on peut le regarder à la télé. Je pense que c'est ça qui arrive là, quand les baby boomers gèrent Internet, mais je. Non, mais. Puissent-ils tous mourir? Ces baby boomers. Mais non, mais je dis ça, mais. Elle existe, la série, elle est là. Si vous voulez la regarder à la télé comme un individu qui existe, vous avez le droit. Au jour le jour, regardez-la tous les lundis, 9h30. Et si vous êtes dans le futur, vous pouvez tous sur tout TV et l'écouter au prix de, je sais pas, c'est 99 par mois, mais ça a l'air d'être un mois gratuit. Fait que, tu sais, fais comme Jean-Sébastien. Tu checkes tout en un mois, parce que tu te désabonnes. Mais oui, c'est ça. Oh, Radio-Canada va m'aimer! On conseille ça à tout le monde. Pour la série Trop, puis c'est la première grosse série dans laquelle vous jouez. Vous avez un rôle hyper important. Je lisais que quand vous avez passé l'audition, il y avait le syndrome de l'imposteur. Mais bien entendu. C'est intéressant parce qu'en même temps, ce n'était pas la première fois que vous jouiez à l'écran. Oui, mais la dernière fois, ce que je jouais à l'écran, c'est des sketchs avec SNL Québec ou avec le nouveau show. Est-ce que je suis comme, excusez-moi, est-ce que vous auriez perdu une vis? Voyons! Je crois que j'ai Moi, je me sens plus chez Pascal. Fait que c'est sûr que j'arrivais en me disant, mais êtes-vous sûr que je peux auditionner pour ça? Puis finalement, cet état-là était complètement l'état du personnage. Oui, parce qu'il y a une certaine fragilité mentale dans le personnage que vous jouez. Oui, bien une certaine. Est-ce que cette série-là engageait des discussions sur une fragilité mentale? Parce que ça tourne beaucoup autour de ça. Ben oui, c'est sûr. Bon, le personnage d'Anaïs que j'interprète... Qui vient de Saguenay. Je m'habitue à parler de moi à la troisième personne. Mon personnage... non, mais elle vient du Saguenay, mais c'est surtout qu'elle est diagnostiquée avec un trouble bipolaire. Fait que là, ta question... Comme la plupart des gens du Saguenay, d'ailleurs. Ouais. C'est pas... Venir du Saguenay, elle va être dans le DSM-6. Ben oui. Bon, alors, ça, c'est très drôle ce que tu viens de dire. Il y a des limites de coucher avec son frère, à un moment donné. Pardon? Je disais des limites à coucher avec son frère. Mais oui, vous le répétez, en plus. Ben, elle a dit pardon. Je dis pardon, mais en même temps, cousin, c'est plus accessible. Mais, qui a pas couché avec son cousin? Oui, ça ouvre des... La question, c'était, est-ce que ça ouvre des discussions sur la fragilité mentale? Bon, ben, comme j'ai un personnage bipolaire, je pense que oui, ça brise certains petits tabous. Et puis, j'ai des commentaires d'amis ou de famille même, ou de gens plus proches de moi qui ne m'ont jamais parlé de personnes qui les avaient touchés dans leur vie, qui étaient atteints de bipolarité, puis qui soudainement souffrent. Fait que oui, ça crée ça, et c'est pas vrai que tout le monde au Saguenay est atteint de ça. Je le sais, je viens de là. Parlons aussi du premier spectacle solo, parce qu'il y a beaucoup de choses en même temps. Ah, la dernière fois que vous étiez venu à l'émission, c'était le spectacle Madia Fortin. Et depuis ce temps-là, Mariana fait son one-woman show, ça roule avec le titre « Ferme ta gueule » et elle a remporté le numéro d'humour, d'ailleurs, aux Olivier en 2016 avec ça. Est-ce que vous... C'est quoi le titre? Ferme ta gueule. Non, le numéro. Sable dans le... Oh, sable dans... Oui, voilà. Là, juste qu'on le dit. OK. Bon, Dieu, c'est controversé. Vous êtes bien fin. Êtes-vous tanné qu'on vous parle de Mariana? Oui. Voilà. Oui. Et non, mais fine, c'est non, pas mais ça, en là. En fait, je suis plus tannée qu'on me parle de mon père ou qu'on me parle de Mariana. Il y a comme quelque chose qui se passe, je sais pas. La dernière fois, Dodo et Denise, vous haïssez, puis êtes-vous amis? Ils s'haïssent pas. Elle a dit « j'avais inventé mon cancer ». Elle me l'a dit, elle n'a pas dit à quelqu'un d'autre, elle me l'a dit à moi, t'as pas le cancer. Non, mais non. Mais oui, je suis tannée puis pas tannée. En même temps, c'est quelque chose qui a existé dans ma vie, puis c'est quelque chose que je veux dire, je suis très contente d'avoir fait la tournée avec Mariana. Ça m'a permis de comprendre que j'étais pas prête tout de suite pour une tournée toute seule. C'est à ce point-là. Mais ça veut dire quoi ça? Parce que de faire cette tournée-là seule, est-ce que c'est trop intimidant ou vous aviez pas envie? Mais c'est pas que c'est trop intimidant, c'est juste que moi, mais d'abord, mon spectacle, quand j'ai signé en production avec Juste pour rire en 2014, je leur ai dit, je sors pas de spectacle avant 2018. Ah! Ça faisait genre 2 ans que je faisais du stand-up, je savais même pas quoi dire, j'avais compris à peu près là, comment on écrit une joke, mais j'étais comme, j'ai pas envie, j'ai pas le rush, là, je sentais pas l'urgence d'être un humoriste, t'sais? Je sentais pas du tout ça, j'étais comme, mais quand je vais faire un spectacle, je vais faire un spectacle parce que j'ai le goût de faire un spectacle, puis moi, je tiens mes mordicus à l'écrire toute seule aussi. C'est-à-dire, vous ne voulez pas d'auteur avec vous là-dessus? Vous voulez écrire au moins, jeter vos idées sur papier toute seule? Ben, toute seule. Je veux dire, moi, j'écris toute seule. Après ça, je m'assois avec des gens, ouais. avec deux personnes que j'aime bien, que je sais qu'ils comprennent, puis on parle, puis on brainstorm. Mais après ça, il n'y a pas personne qui m'écrit des jokes. Ouais. Moi, je veux l'écrire toute seule. Je veux que ce que je dis. C'est bien, ça. Ben, je pense ouais. que c'est bien. Puis, c'est ça. Céline Dion chante très bien, mais je serais encore plus impressionnée si elle écrivait ses poules. Puis, entre-temps, moi, j'en ai écrit des spectacles. J'ai fait avec le Dr. Mobilo Aquafest. Oui! J'ai fait une heure de spectacle cette année, une heure de spectacle l'année passée. C'est sûr que ma face n'est pas à côté d'une pub de Mike sur l'autoroute, mais ça s'en vient. J'y travaille. Je tergiverse, je pense, je cogite, et puis j'arrive avec un spectacle bientôt. Mais le rodage commence cet automne. Effectivement, Jean-Philippe. Donc, ce rodage. T'es recherché, c'est quoi? Le rodage, évidemment, tous les humoristes passent par là. Oui, oui, le fameux rodage. Est-ce que ce rodage-là, c'est un spectacle qui est déjà pas mal fait? Est-ce que toutes les idées ont été écrites? Non, Jean-Philippe, elle va là, puis elle n'a pas de show. Non, mais des rodages, c'est des 10 minutes, Serge. Ben non, les rodages, c'est un vrai rodage. C'est mon spectacle, c'est une heure et demie de suite. Oui, est-ce qu'on pourrait appeler un taxi pour Serge? Non, mais ils veulent plus me prendre. Un taxi, s'il vous plaît. Ils veulent plus me prendre. Mais non, mais les rodages. Hey, là, j'ai de la misère avec mes écouteurs. C'est très bizarre. Quand on est là-dedans, on dirait une réalité alternative. C'est vrai? Bon, ben oui, c'est, le son est spécial. C'est mais les rodages, c'est mon spectacle au complet d'une heure et demie. Oui. Mais moi, j'ai passé le mois d'août à Édimbourg faire une heure de spectacle à tous les jours. En anglais, bien sûr, mais ça reste sensiblement les mêmes blagues. Fait que moi, ce spectacle-là, je le prends et c'est ce que je vais faire en français à la fin novembre. Mais c'est des rodages. Donc, on a... Oui? C'est intéressant, ça. C'est-à-dire que vous traduisez ce que vous faites en anglais en français, puis ça fonctionne. Sensiblement. Quand... Sauf toutes mes blagues sur toi, un fret à Édimbourg. Un fret monumental. Mais là, attendez. Sur vous. Voyons, vrai, vous rodez à Édimbourg au lieu du petit clocher de Magog? Ouais, je suis tannée des cantons de l'Est. Non, mais je rode à Édimbourg. Je rode pas pour vrai. À Édimbourg, c'est parce que le Fringe, il faut y aller. C'est un festival qui... C'est formidable. L'atmosphère est incroyable. Moi, à mon show, c'est un show gratuit. Les gens viennent gratuitement. Des fois, il y en a 6. Des fois, il y en a 30. C'est vraiment une épreuve psychologique. Mais au final, on sort de là puis on fait comme... Aïe, aïe, OK, tu sais, je l'ai faite. Puis quand tes blagues marchent devant 6 personnes, je pense... que t'es assez solide pour les livrer devant 400, tu sais. Mais non, mais... Fait que moi, c'est mon petit Compostelle à moi, d'aller faire des shows devant 6 personnes. Puis à Édimbourg, les gens savent pas c'est qui Bernard Fortin, alors c'est un plus. Ah, ils savent pas c'est qui Bernard, ils savent Mariana encore moins Mathieu. C'est qui Virginie. Mariana, ils savent pas c'est qui pantoute, ils sont là, puis ils ont des blagues devant eux autres qu'une fille dit dans un micro, puis c'est difficile, mais c'est tellement le fun. Puis à Édimbourg, parce qu'eux autres, ils savent pas, il y a aucune idée de quoi tu parles, parce qu'ils vont pas dans les festivals de théâtre. Mais il y a quand même 1000 un transport. Il y a 1000 shows par jour. Un transport adapté. Laissez-nous parler. Non, mais allez-y. Il y a 1000 shows par jour. Donc, tu sais. Mais je suis allée voir du théâtre extraordinaire, comme je suis allée voir du théâtre dégueulasse. Je suis allée voir du stand-up incroyable, comme je suis allée voir du stand-up dégueulasse. C'est juste une. Sauf que quand il y a des gens, c'est vraiment qu'ils t'ont choisi parce que. Ben, qui passait par là, oui. Mettons. Ben, peut-être au théâtre, oui, mais pour moi, c'est vraiment du monde qui prenait un verre dans un bar puis qui se sont dit, il est quelle heure? Il est 5h15, y a-t-il un show qui commence? On va y aller, tu sais. Puis là, ça tombe sur moi, puis je suis comme, je suis féministe! Puis là, ils sont comme, voyons pourquoi on est ici. Mais. c'est un spectacle engagé, en fait, le spectacle de Virginie Fortin? Engagé. Un tantinet engagé, mais disons, en ce moment, je suis plus sur l'existentialisme là, qu'un engagement. Ça, c'est drôle, l'existentialisme. Ça, à quel point? Ben, oui, c'est très drôle. Mais Martin Périzzolo aussi, je pense, qui était là-dessus. Ah, c'est vrai? Ouais. Bon, ben, je vais changer d'idée de bord. Ah, franchement! Oh! Ben non, mais je veux pas faire pareil comme ça. Ah, ben oui, c'est ça, c'est okay. ça. Ben oui, voilà. Okay, d'abord. Non, au gala, juste engagé, justement, vous avez présenté un numéro qui parlait de féminazisme. Oui. Est-ce que vous êtes une féminazie? Ben, ça a l'air que oui. Mais non, mais en fait, c'est tout dans la foulée là, du gala juste féminin où j'avais dit « ça n'a pas d'allure », puis là, on m'avait dit « ben oui, ça a de l'allure, t'es donc ben une féminazie ». Fait que moi, je me suis dit, d'abord, c'est une exagération. Ce terme-là m'agace un peu parce que non, mais… Ben, ça me semble un peu exagéré, féminazie. Ça me semble exagéré, mais c'est ben, ça, oui. Le numéro. Le numéro, je dis « ben c'est un peu exagéré, mais si vous me traitez de féminazie pendant que je suis une gentille féministe, à quoi ça sert d'essayer d'être gentille? Je vais devenir une vraie féminazie ». Et puis, c'est à ce moment-là que je deviens une féminazie, mais c'est vraiment juste pour souligner l'absurde de traiter quelqu'un de féminazi aujourd'hui. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres? Je veux dire, en tout cas. Non, mais... les féministes ou les nazis? Les nazis! Ah, okay, voyons! Oh, Virginie, ça fait tellement du bien d'avoir un peu de bonheur dans cette émission-là. C'était du bonheur? Ah oui, okay, ben, c'était pas mal plus fun que... Enfin. Moi, je pense qu'il me bitch, là. Non, non, c'est pas nécessairement lui. On sort dans votre tête, ça. Mais vous restez avec nous pour la fin de l'émission. Oui, je suis obligée? Ben oui, ben oui, non. Je vais rester. Vous êtes obligée, c'est bien embêtant. Prenez un texte avec Serge. Je ne partage pas mes textes. Vous êtes tellement lourd, Serge Longueuil. Ah, les spectacles au Canada. Oui, on peut applaudir. Oui, applaudissez, oui, si vous voulez. Virginie Fortin, mesdames et messieurs. Ouais. Vous savez, cette année, les spectacles au Canada, on a un thème différent chaque semaine. Et là, c'est Bryan Adams, Cuts Like a Knife. Ça me rappelle mon secondaire 3. Voilà, c'est tout. Ce soir, c'est bon spectacle. Il y a Future Islands. Jean-Philippe, vous êtes un fan un peu de Future Islands. C'est si bon. Oui, c'est très bon. Ils sont au Metropolis ce soir. Est-ce que vous connaissez Future Islands? Mais c'est pas le chanteur a pas un peu l'air d'un comptable? Oui, oui, absolument. Ça, oui. Et il danse comme une araignée. Hein. Ouais, il est bien bas, ouais. Alors, ils sont au Metropolis ce soir. Il y a Elton John ce soir, qui est à Owen Sound, en Ontario, pour en support pour Diabète Canada. Ah. Un spectacle pour Diabète Canada. Une sucrée de bonne idée. Bon. Il va falloir les répertorier à un moment donné, cette blague-là. Il y a les Killer Dwarves qui sont au Rock Pile West à Toronto. J'en parle parce qu'il y a des fans de métal qui nous écoutent et ils aiment ça quand je parle de métal. Killer Dwarf, qui est un groupe canadien qui œuvrait dans les années 80, qui faisait du métal. Ce sont des nains tueurs, on peut le traduire comme ça. Et contrairement à ce que disait Jean-Sébastien en réunion, ce n'est pas Jeanne-Mance Cormier qui fait la première partie. Ah non, vous pensiez que c'était ça, hein? Il n'y a pas de première partie, le spectacle est trop court. Merci, bienvenue. Moi, j'ai même pas le droit de rire à rien, parce que je vais me faire accuser de quelque chose. Merci, ouais. Roger Waters, deuxième soir à Québec, ce soir au Centre Vidéotron. Il y a le Dominique Moret qui a dit sur Facebook, il paraît que c'est un très, très bon spectacle, sauf le bout où Waters fait de l'anti-Trump, évidemment. Le prêchant. Eh oui, c'est un artiste engagé. Lundi, il y a Mastodon, groupe métal, qui sera avec Eagles of Death Metal et Russian Circles au Metropolis. Ça, c'est le MTLUS. Ouais, moi j'appelle ça le Metropolis. Ah, d'accord. Ouais, je refuse. Ouais. Et sinon, il y a Enrique Iglesias avec Pitbull qui est à Montréal au Centre Bell lundi. Oh. Ah. Il y a Denis Coderre. Il paraît que Denis Coderre. Ouais. Denis Coderre va être sur place pour vérifier si le rapper a sa muselière et sa médaille. C'est tellement niaiseux. Mercredi, attention, Jean-Sébastien au cabaret du Casino de Montréal, Mario Pelchat chante Becco. Oh! Là, faut faire attention, l'homme de 100 000 volts qui pleure dans la pluie, ça peut être dangereux. Hey, ça, c'est brillant. Wow! Et sinon, mercredi, il y a Foreigner, le groupe, qui fête ses 40 ans, Serge. Est-ce que vous étiez un comme moi. Non, non, je fête mes 40 ans cette année. Ah! 40 ans de mépris. C'est ça que ça donne, 40 ans de mépris. Ils seront et on va l'écouter, le succès de Foreigner. Vous vous rappelez peut-être pas, mais il y a une certaine époque, les grandes brasseries sortaient la draft en bouteille, qui est un concept complètement ridicule dans les années 90. Il y avait la Molson Genuine Draft. Ouais. Il y avait la Labatt Draft, qui était comme une bière en fût, mais en bouteille. Alors, c'est complètement ridicule. Je me rappelle de ces publicités-là. Ils remplissaient une bouteille de draft. Avec un fût. Oui, et là, ça n'existe plus. Alors, et une de ces chansons qui a servi à la publicité, c'était celle-ci de Foreigner, Cold as Ice, sur ICI FM. Alors, les gens ne le savent pas, mais Virginie chante, parce que Virginie, vous êtes une fan de karaoké, je crois. Ah, ben, je renvoie tout de suite le commentaire, Fred. On s'est déjà croisés au karaoké. On s'est croisés au karaoké. J'étais gênée, on ne se connaissait pas, je suis pas allée vous saluer. Ben, moi non plus, je suis pas allée vous saluer. Ah, je pensais. Mais c'est pas parce que j'étais gênée. Ça se m'amuse pas. Je suis en colère, la première entrevue. Mais c'était-tu votre sœur ou votre blonde, finalement? C'est mon ex. Ah, c'est ça, OK. Ouais. C'est votre ex à l'époque ou en ce moment? En ce moment. OK, d'accord. Ouais. Voilà. Mon Dieu, c'est une bonne chanson. Bill's Inside, Bélanger, c'est où le karaoké? Ça s'appelle le karaoké. La petite place. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ah! C'est les anniversaires! Eh oui, c'est le moment des anniversaires, Serge. Pourquoi Serge? Ben parce que je pense que ça intéresse juste lui. Ok. Non, ça m'intéresse moi aussi. Bien encore. Encore. Oui, alors on commence avec l'anniversaire d'un véritable ami de l'émission, Jean-Philippe, le seul à Radio-Canada qui soit probablement aussi drôle que nous, Monsieur Jean-René Dufort. Ah oui. Ce qui est drôle, bonne fête, Jean-René. Il a pas être jeune, lui, hein? Non, c'est ça l'affaire, c'est que il a pas tellement longtemps, l'émission lui a demandé quel âge il avait, et il a fait sa coquette, il a refusé de nous dire quel âge il avait. Or, aujourd'hui, c'est plate, mais sur la page Facebook des archives de Radio-Canada, on soulignait le 50e anniversaire de Jean-René Dufort. Mais non! Oui! C'est bête, mais il a ça. 50 ans. Alors, inquiétez-vous pas, Jean-René. Vous avez jamais l'air d'avoir 50 ans. Il a encore l'air d'un ado. Mettons que, moi, mon père à 50 ans, il avait pas l'air de ça. Bon, à sa décharge, à mon père, c'est sûr que de mourir à 48, ça fait que t'as pas un super look à 50 ans, mais quand même. T'avais bien conservé, quand même. Hey! Ça faisait déjà 2 ans qu'il était dans ma bibliothèque, mon père, à 50 ans. Ah oui? Oui. Vous l'avez gardé longtemps dans la bibliothèque? Mais il est encore là. Non, arrêtez! Ben oui, mais vous me l'avez jamais présenté. Une urne. Ben, je l'amènerai au bureau à un moment donné. Quand votre mère va décéder, ça va être le fun, ça va faire un beau presse-lit entre vos deux parents. Non, ils s'entendaient pas bien. Je mettrai dans ce coup bizarre les deux. Ben non, mais je pense que quand je vais mettre ma mère dans ma bibliothèque, je vais acheter mon père. Ah, voyons! Aussi! Achetez-vous une plus grande bibliothèque? Achetez-vous une deuxième? Ça serait pratique d'avoir trois parents, des fois. Mais oui! Ben, c'est ce que je me dis. Non, attends, donc, pour vrai, il est dans votre bibliothèque? Ben oui. Ah oui! Eh ben. Tu sais que tu veux mettre ça? Ben, je sais du, mais on l'entend. Je voyons. Tout dans mon frigidaire? Mais non, mais je trouve que c'est spécial. Ah, vous auriez pu disperser ses cendres dans le feu, il était pompier. Je comprends pas pourquoi ça fonctionne pas en amour avec vous. Donc c'est pour ça qu'on dit feu, mon père, pompier. Pauvre papa. Alors... Si vous allez sur la page Facebook des archives de Radio-Canada, vous allez voir Jean-René. J'ai essayé d'y aller, je suis pas capable d'y trouver. C'est tellement compliqué, hein, le site de Radio-Canada. Ah, ouais, ben, c'est ça que ça donne dans des baby boomers qui s'occupent de ben, exactement. À qui le dis-tu? Oui. Je sais. Alors, vous allez voir une émission matinale à la télé de Radio-Canada où Jean-René fait une chronique intitulée « Doit-on acheter un Mac ou un IBM? » Comme quoi, les temps changent. Pour vrai, c'était il y a 17 ans. C'est vrai? Oui, absolument. Jean-René y balance et son signe chinois est chèvre de feu puisque son année de naissance est 1967. Le 16 octobre maintenant, Fred, si on demande aux Montréalais de nommer le nom d'un comédien de la ville de Québec, on a tous juste un nom en tête, et c'est qui? Patrice Robitaille. Non, un vrai comédien de Québec, là. Paul Hébert. Paul Hébert. Non. Il est mort. Un vrai comédien de Québec, mon Dieu. Jean-Jacques. Ah, Boutet. Boutet! C'est la fête de Jean-Jacques Boutet qui, évidemment, hey, ça, vous avez entendu la foule qui a commencé à crier à gauche, et ça s'est transféré dans le monde. Il y a des gens qui savent à la maison. C'est très bon à la LNI, à la Télé-Québec. Ah, oui, oui. Les 80. Et c'était aussi le frère de Anne Bédard dans Chop Suey. Ah, ben oui. Anne Bédard, votre premier fantasme sexuel. Non, c'est Olivia Newton-John dans Grease. Ah, ouais. Puis après, c'était Anne Bédard. Très jeune, ouais. Oui, exactement. Anne Bédard qui fait des voix maintenant. et Jean-Jacques Bouquet qui entend des voix maintenant. Non, mais on ne sait pas ce qu'est devenu Jean-Jacques Bouquet, probablement. Appelez-nous! Probablement qu'il joue au trident et qu'il chiale que les comédiens de Québec manquent de reconnaissance. Il a 63 ans. Il est balance et son ching chinois. Son ching chinois. C'est cheval de bois puisque son année de naissance est 1954. Bonne fête, Jean-Jacques! Oh mon Dieu, Jean-Sébastien, c'est quoi ça? Ben, c'est le moment de votre segment préféré, le fameux « Morte ou vivante », ce segment qui sert à répondre à cette question qu'on se pose si souvent dans l'intimité à propos d'une personnalité publique. Es-tu morte? Oui. Est-ce que Serge Denoncourt est mort en dedans? Ah, j'aurais aimé ça y penser. Ouais. Je suis tellement tanné. L'intérieur pour, de Serge Denoncourt. Pour si peu de sous. Vous regarderez, là, on n'est tellement pas payé. Avec ce que vous faites, j'espère, c'est un bonus qu'on vous fait. Ah, voilà, alors comme d'habitude, vous devez deviner de qui il s'agit avant de deviner si la personne est morte ou vivante. Ouais. Attention, c'est assez difficile cette semaine. Ah ben voyons. Je suis né en Floride. Et là, Denise Bombardier. Mon Dieu, es-tu morte ou vivante? Je suis un chanteur rock. Ben oui, mais attendez un peu. Je suis un guitariste. Rock voisine. Michel Bagliaro? Non. Ben non, il fait des publicités maintenant. Je suis le chanteur des Heartbreakers. Heartbreakers. Heartbreakers. Ah, oui. OK, Tom oui. Petty. Ah, Tom Petty, oui. Tom Petty, ben effectivement. Oui. Et ça, j'avoue que c'est difficile à répondre. Est-il mort ou vivant, Tom Petty? Et là là! Il est mort. Oui, il est mort! Bravo, Serge. Oui. Il est mort lundi à la suite d'une syncope, une mort qui a été déclarée par sa famille quelques heures après que les médias eurent annoncé des informations non confirmées faisant état de sa mort. Et il est allé rejoindre M. Lecor à l'âge de 66 ans. Bravo! Ouais. Mon Dieu, je peux pas croire que vous avez choisi ce monsieur-là. Vous aviez pas d'inspiration? Non, mais surtout qu'avec moi, là, vous auriez pu choisir plein d'actrices qu'on sait plus trop. Mais non, mais c'est parce que dans la mesure où cette personne-là a été annoncée morte, pas morte, c'est faites donc comme drôle. Je vais en faire un autre. Là. Je peux parler de Carole Châtel. Non, non, c'est bon, je vous remercie. Bon. Carole Châtel, moi, j'aurais est morte plus ri. Juste avant de passer à notre prochain segment, et notre dernier d'ailleurs, j'ai une citation de Georges Arac pour vous, Serge. Voyons. Et je trouve que ça résume tellement bien la relation que vous avez avec lui. Alors, Georges Larac, en 2010, a dit ceci. « Il y a encore du racisme envers la communauté gay. » Voilà. Non, c'est pas inventé, ça. Non, je vous le jure que c'est écrit comme ça. Wow! J'aurais voulu l'inventer. Alors, ouais. Georges et moi, même combat. Ben oui. Voyez que vous n'êtes pas si loin l'un de l'autre. Non, mais si c'était pas qu'il voulait vous casser la gueule. Mais je pense que c'était une tension sexuelle qui a créé tout ça, d'ailleurs. Oui. Alors, si le sac de chips est à l'écoute, notez que Serge Denoncourt et Georges Lara qui ont une grande tension sexuelle. Oui. On passe au prochain segment. C'est moi qui l'ai vu. Ben, je pensais pas que c'est moi qui l'ai vu. Moi, je pense que je l'ai vu. Ben oui, c'est le vu pas vu, on en parle depuis le début de l'émission. Évidemment, on est de moins en moins hâte parce que ça concerne Serge Denoncourt. C'est sa pièce « La mort d'un comique voyageur » présentée... C'est tellement niaiseux, ce jeu de mots-là. Et moi, je trouve ça très drôle. C'est dans Ding Dong. La mort d'un comique voyageur. Est-ce qu'on prend un peu le corbillard pour ça? On va aller vous porter dans ma bibliothèque. Alors, Jean-Sébastien Girard et Olivier Niquette sont allés ou pas voir la pièce cette semaine. Et d'ailleurs, pour ceux qui n'ont pas vu la pièce ou qui ne connaissent pas le contenu, on a un petit résumé, mais ça, c'est vraiment court. Ça va vous remettre évidemment en contexte. Bonjour, je suis un comique voyageur. Et je me sens pas... Fin. Je suis déçu. Je suis bien déçu de cet extrait-là. Ah, mon Dieu, je me sens tellement jugé par notre invité d'honneur. Avec raison. Alors, Jean-Sébastien, commencez votre... commencez à essayer de nous convaincre. Oui, en fait. Absolument. Évidemment, j'ai parlé autour de moi cette semaine de ce fameux « vu, pas vu ». Et tout le monde me disait, ben voyons, un « vu, pas vu » sur un show de Denoncourt, devant Denoncourt, c'est un petit peu poche. Parce que si t'aimes pas ça, t'oseras pas le dire. Ou si t'oses le dire que t'as pas aimé ça, ça va créer un froid avec Denoncourt que t'aimes bien quand même. on va se le dire, j'ai accepté de le faire parce que je risquais pas gros avec un show de Denoncourt. Parce que je l'ai déjà dit ici en onde, Serge Denoncourt, c'est quelqu'un, c'est un être humain d'extrêmement désagréable, mais c'est un metteur en scène de génie. Hein, ça me fait mal, mais je dois le dire. Voilà, il a vu mon show. C'est oui, voilà. Mettons que ça aurait été plus risqué de faire un vu pas vu d'une pièce de Monique Duceppe devant Monique Duceppe. Je risquais moins gros. C'est une petite blague pour initier. Alors donc, entrons dans le vif, parce qu'il y a beaucoup à dire, évidemment. La mort d'un commis voyageur, vous connaissez l'histoire. C'est un peu comme Grégory Charles à Broadway. C'est le rêve américain qui vire mal. Ça, c'est pas de bon... C'est un ami de l'émission. Oui, voilà. Le commis voyageur, c'est où? Pardon? Il n'est jamais venu, Grégory? Non, non. Fait que c'est pas l'ami d'émission. Non. Voilà. Donc, c'est drôle. Alors, c'est Willy, interprété par Marc Messier. On le dit, un homme de 60 ans, arrivé au terme de sa vie, fatigué mort, qui a donné 36 ans, je pense, de sa vie pour une compagnie qui, finalement, va le congédier. Un homme en conflit avec son fils Bill, interprété par Éric Bruno. Biff? Ah, c'est Biff. Olivier. On passe au vote. Voilà. Biff. Vous l'avez biffé. Oui, voilà. Son fils qu'accuse de manquer d'ambition. Et un peu comme moi, pour fuir le réel, il va se réfugier dans le passé, dans ses souvenirs. Souvenirs d'une époque où tout semblait encore possible, où il pensait avoir une grande carrière. Un peu comme moi, la veille de la première de l'émission, votre beau programme, Jean-Philippe. On va se le dire encore une fois, cette production de Denoncourt est un grand rendez-vous théâtral. L'a vu. Ben oui, voilà. Du calibre de ces grandes mises en scène de Tremblay, de Bottostrasse et de Prédiction 2017. mise en scène dépouillée, où l'acteur est vraiment mis à l'avant-plan, et non pas une mise en scène où l'acteur est dépouillé de ses vêtements. Jean-Philippe, une première ici pour le metteur en scène. Et c'est d'ailleurs la principale force de la production, les acteurs. Sont habillés. La distribution est hallucinante, la direction d'acteur est juste, sensible, brillante, à commencer par Louise Turcot. Toujours hallucinante, au théâtre depuis les dernières années, elle incarne la mère épuisée, encore profondément amoureuse de son mari, pleine de compassion pour sa souffrance. Une mère aussi qui est essoufflée de gérer les conflits familiaux, le manque d'argent, le manque de solidarité et d'empathie de la part de ses enfants, selon elle. Éric Bruno incarne le fils en perpétuel conflit avec son père. Je pense ici qu'il livre une des grandes performances de sa carrière. Ceux qui pensent que Éric Bruno, c'est juste un gars cute que Serge engage pour se secouer le bonhomme le soir en pensant à lui, non. c'est aussi un très, très grand acteur, pour vrai. Mais il y a aussi l'autre affaire. Ah, ben oui! Ah, je suis pas l'autre, évidemment. Hey, pas pour rien qu'il est en petite camisole blanche, ben oui. Les bras comme ça, très homoérotique dans la mise en place. Et contrairement à ce que disait Marie-Hélène Girard, notre secrétaire dans le bureau, non, Éric Bruno, c'est pas juste un douchebag. On peut avoir des muscles et être très doué également. Finalement, Marc Messier, je dois dire très honnêtement qu'au début, j'étais pas certain de ce choix-là. En ouverture de pièce, il sonne très Marc Messier, c'est-à-dire bon comédien, juste, mais avec des tics de jeu très présents, ceux qu'on connaît bien de Marc Messier. Au lever du rideau, il parle avec sa femme, on parle de gazon, on parle de carottes. J'avais l'impression d'être un petit peu dans du Meunier. Je me disais, il va finir par dire « Eh, monsieur, as-tu vu ça, maman? Ça a l'air qu'ils ont tué la marraine de Miami. » Ça sonnait un petit peu les voisins. Ça, c'était... il y a des gens qui trouvent ça drôle. Bon, voilà, la marraine de Miami, qui a su combien de balles dans sa coche? Deux. 200, je pense. Ça non, fait jamais bien à personne. Non, c'est qu'on a reçu 13 balles dans la tête. 13 balles dans la tête, c'est ça. Ça fait jamais bien à personne. C'est bon. 13 balles dans... OK. Alors là, je me suis dit, oh, c'est peut-être un mauvais casting. C'est peut-être raté. Est-ce que ça aurait été mieux avec un Guy Nadon, un Michel Dumont ou un Denis Paris, par exemple? Or non. Denis Paris, c'est que c'est Ticoun? Ticoun. Ah, ouais, ça aurait été bon, ça. Ben oui. Jean-Jacques Boutet. Jean-Jacques Boutet. C'est vrai. Et si ça avait été joué au Trident. Hein? Or non, le personnage se place rapidement. Le personnage apparaît. Vrai, sensible, super touchant. Entre lui, Louise Turcot, Éric Bruno, il y a des moments de théâtre vraiment exceptionnels. Je pense à cette scène, entre autres, où Éric Bruno craque, pleure sur les genoux de son père. Son père, avec beaucoup de pudeur, lui passe la main dans les cheveux. Si vous ne braillez pas comme une chienne finie pendant cette scène-là, vous méritez de mourir des suites d'une longue maladie. C'est la fin? Il l'a vu, clairement. Chute. Oui. Non, mais merci, Jean-Sébastien. Jean-Sébastien Girard, mesdames et messieurs, bravo. Quelle plume, quel moment. J'arrêterai ça là. Olivier! Oui! Grosse sortie pour moi quand même, c'est un soir de semaine, je suis pas habitué à ça. Rideau vert, c'est une belle salle, c'est une des dernières choses qui est encore ouverte sur Saint-Denis, alors faut en profiter. la pièce, la mort d'un commis voyageur, c'est un classique. Moi, je l'avais lu la pièce au Cégep, j'avais aussi vu le film avec Dustin Hoffman, la scène où le commis voyageur compte des centaines de cure-dents échappés par terre en un seul coup d'œil, ça m'avait beaucoup marqué. Je pensais que je me rappelais de l'histoire, mais finalement pas tant que ça, peut-être que je fumais trop de drogue au Cégep, mais ce qui m'a le plus surpris au départ, c'est quand j'ai vu que c'était une traduction et une mise en scène de Serge. Je ne savais pas que Serge parlait anglais. Il ne m'a jamais insulté en anglais. Alors, ça m'a surpris un peu. Il faut dire aussi que ce n'est pas évident pour moi de juger le travail de celui qui m'a tout appris des métiers voilà. De la scène. Je ne ramasse plus de fil blanc depuis que je te connais. Je ne dis plus bonne chance aux comédiens avant d'entrer en scène. Ça, c'est grâce à Serge. Et grâce à Serge aussi que j'ai cette aisance et cette grâce sur scène et dans la vie en général. Mais est-ce donc comme... Je sais pas pourquoi je ris, excusez-moi. Non, puis moi, c'est gentil, mais moi, j'appelle ça mon Waterloo quand même. Que vous l'avez dit? Mais c'est moi, lui, c'est mon Waterloo de direction d'acteur. C'est vrai? Ouais. C'était pas le spectacle avant la prédiction? C'était pas Roméo et Juliette? Votre... Non! Roméo et Juliette, vous n'avez pas compris, c'était très bon, mais vous n'avez pas compris, je suis 10 ans avant de mon temps. Ben oui. Alors. Il est 10 ans avant de son temps, il a fait Roméo et Juliette en 2016. Et ça monte retard de 2 heures. Ouais, tellement avant de son temps. C'est drôle. Seigneur Jésus. Donc, oui. Comme Jean-Sébastien le disait, c'est une mise en scène très dépouillée, très sobre. On dirait presque que ça ne vous tentait pas de travailler. Serge, la place est laissée au texte. C'est parfait parce que c'est une pièce qui est toujours d'actualité, même si ça date de 1949, sur le rêve américain, le capitalisme, même un peu sur la mondialisation, dans le contexte de Donald Trump, le protectionnisme, le marché de l'emploi, tout va très vite. Les jeunes de nos jours sont surqualifiés, il y a de la compétition à travers le monde. C'est un peu comme ça aussi, c'était un peu comme ça aussi dans le temps, mais à une autre échelle, évidemment. On dirait Catherine Viribilli. Oui. Ben ça, c'est une belle chronique. Oui. Une belle chronique. C'est pour ça que j'ai dit ça. Ben oui, je sais bien. C'est beau. Donc, Willy est submergé. La compétition est féroce. Lui, il est un peu largué là-dedans. Et pour quelqu'un qui a un job pas très spécialisé comme commis voyageur, c'est pas évident. Et pour les plus jeunes à l'écoute, un commis voyageur, ça, c'est une personne qui voyage pour vendre des produits en les apportant directement aux clients. C'est comme un peu un drone d'Amazon, mais qui a de la jasette. Et Willy, donc, il n'est pas capable de suivre le rythme de ses nouveaux collègues. Et c'est encore plus... C'est quelque chose qu'on voit encore aujourd'hui. C'est encore plus vrai avec la technologie qui évolue vite, le numérique. Ça arrive de plus en plus. Il y a plein de gens qui sont largués, comme Jean-Sébastien, qui n'est pas capable de programmer l'heure sur son micro-ondes. Et à un moment donné, Willy dit « Je ne sais pas ce que je suis supposé vouloir. » Alors, il sent qu'il faut... Ça, ce n'est pas ma traduction. Non? Non. Ah. Ben, chut, chut, chut. Peut-être que je l'ai mal formulé. je le disais de mémoire. Et il faut. Donc, il sent qu'il faut bouger, mais il ne sait pas quoi faire et il est dans son marasme. Il est trop tard pour qu'il apprenne autre chose, pour qu'il s'adapte. Alors, un peu comme la mère de Jean-Sébastien, il reporte son ambition sur ses fils et il se réfugie dans ses souvenirs. C'est ça, c'est là que les gens se réfugiaient avant qu'il y ait Facebook. Et bien, à la fin, ben, le commis voyageur meurt. Ben voyons donc, vous! Oui. Et c'est à la fois touchant et futile et il se sacrifie, mais pas pour grand-chose. Et comme Jean-Sébastien, j'ai trouvé que les acteurs étaient excellents. J'avais peur de voir Marc Gagnon de Lancer Compte qui essaie de croiser une femme en or. Pas du tout. Louise Turcot est excellente et c'est un grand rôle dramatique pour Marc Messier. Presque aussi dramatique que son rôle dans Les Dangereux. Les Dangereux, c'était plus. C'est un film plus dramatique quand même que La mort d'un commis voyageur. Et la pièce dure 2h30, mais ça passe tellement vite que ça m'a paru durer 2h25. Alors je donne 5 étoiles. Mais attendez, je veux juste savoir. Merci. Avez-vous pleuré? J'ai pleuré à la même place que Jean-Sébastien. Mais c'est vrai, c'est votre traduction, Serge. Ouais. Pourquoi vous avez désiré faire une traduction de cette pièce? Parce qu'il y a beaucoup de traductions. Ben oui. Il y a le fait de l'avoir d'un commis voyageur. Et tout le monde, je pense, n'osait pas, c'est peut-être une question d'époque aussi, le traduire en québécois. Alors, ça traduit dans une langue qui n'existe pas toujours entre le français et le québécois. Et la langue de Miller, pour moi, c'est la langue américaine. Donc, l'équivalent ici, c'est notre langue à nous, le français américain, le québécois, le joual. Donc, je l'ai traduit. Un commis voyageur et un français normatif, ça aucun ça sens. Se peut pas. Non. Et ça se peut pas parce que la pièce est tellement, justement, dans l'américanité que et on les connaît, ces gens-là. C'est nos grands-pères, nos pères, nos frères, nos cousins. On les connaît et la pièce fonctionne parce que on réussit à s'identifier. Moi à Éric Bruneau, toi à Louise Turcot. Ça me semble assez solide, cette histoire-là. Ça me rappelle votre meilleure ligne à vie, c'est quand on est allé au Dieu de la danse, j'étais avec Louise Deschâtelet. Et Serge, il dit, ben bravo, je suis très content d'avoir vu la conteste, ainsi que Louise Deschâtelet. D'ailleurs, il arrête pas de dire qu'il a bien dansé, Jean-Sébastien. Mais non. Je dis pas que j'ai bien dansé. Je dis que j'ai fait ça. C'était pas. Là, pourquoi on parlait de chef-d'œuvre et de grands moments d'art? Peut-être qu'on tombe sur Jean-Sébastien. Ouais. Vous avez tout à fait raison. Alors, qui est allé voir cette pièce? Est-ce que c'est Jean-Sébastien Girard ou Olivier Niquette? Ça marche pas, ça. Attendez un peu. Il y a plus juste à quoi? Je fasse un tour de table. Voyons. Les gens sont bien excités. Ben, moi-même. Serge, qui est allé voir la pièce? Ben, moi, je suis persuadé que c'est Jean-Sébastien parce qu'il a plus aimé ça. Et les gens qui l'ont vu, ils aiment vraiment ça plus. Ah oui, ben en même temps, il est allé loin, Olivier, pour ce qu'il est capable de donner Je suis d'accord, il a bien travaillé son Wikipédia, je sais pas quoi. Mais c'est... bon, je vais vous le dire, c'est Jean-Sébastien, je l'ai rencontré. Voyons! Mais ça se peut-tu que les c'est deux l'aient vu? C'est peut-être un subterfuge. Ben oui, tout ça peut-être qu'il a juste pas Virginie, non, ça se peut pas que les deux l'aient vu parce que quand il faut aller voir du théâtre, ça se bat dans le bureau de production pour savoir qui va y aller. Fait que vous pensez que c'est Jean-Sébastien, j'imagine aussi. Ben moi, j'espère que les deux, puis c'est juste qu'on n'a pas remarqué la présence d'Olivier dans le film. Non, ça m'arrive jamais. Impossible. Alors, moi, c'est mon préféré, Olivier, je l'aurais vu s'il y avait quelqu'un. Je l'aurais pris préféré. Personnel, puis j'aurais pensé qu'il était là pour moi, pour m'encourager, pour une petite tape dans le dos. Mais non. Mais Olivier passe inaperçu au rideau vert parce que c'est juste des têtes grises. Ça, c'est drôle. Fred, est-ce que vous avez besoin d'en ajouter? Non. Bon, parfait. Alors, je vais demander quand même aux gens par respect et par gentillesse, qui est allé voir cette pièce? Est-ce que c'est Jean-Sébastien Girard? Ou est-ce que c'est Olivier Niquette? Il y a des gens qui vous aiment, Olivier, quand même. Qui est allé voir la pièce entre Jean-Sébastien et Olivier? Ben, c'est moi, évidemment. Vous avez aimé ça tant que ça? Beaucoup. C'est vrai? Ouais. Mais vous saviez que c'était Serge qui l'avait fait? Non, attends, je veux dire quelque chose que je suis sincère en plus. Je connais Jean-Sébastien. Les garçons, surtout les garçons qui ont des problèmes dans la vie, ça nous ébranle beaucoup, beaucoup cette pièce. Beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'y suis un peu pour quelque chose, mais Arthur Miller, il est pour beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une pièce, c'est un coup de poing pour les garçons qui ont des troubles avec leur père ou les pères qui ont des troubles avec leur fils. Oui. Mon Dieu. Et comme c'est tout le monde, ça, ben. Les garçons qui veulent oublier leurs problèmes, je suis à la Taverna ce soir. À 22h, c'est dans une belle chasse. Ah oui, c'est à côté de chez nous, puis ça a l'air d'un trou. Mais il paraît que c'est bien le fun. Okay. C'est chez vous qui êtes un trou, ça. Merci tout le monde. Il y a bien des niveaux dans tout ça. Oh, oui, c'est ça. Mais je vous remercie énormément. Merci Serge, on rate pas les dieux de la danse, hein, les jeudis à 20h. Ben, on peut le rater en même temps. Non, mais en même temps. Ça fait deux ans que j'ai raté, moi, ça va très bien. La mort d'un commis voyageur, c'est jusqu'au 4 novembre au Rideau Vert. Merci énormément. Virginie Fortin, merci beaucoup. On écoute trop si on est un vieux baby boomers. C'est les lundis à 19h30. On écoute l'écoute, non, on l'écoute, là. On l'écoute, point, hein? Oui, point. OK, parfait. Puis votre rodage, ben, commence très bientôt. Vous allez être au Théâtre Sainte-Catherine dès le 24 novembre. Dites bonjour à votre père. Vas-y. Ouais. Dansez seul, dansez en couple, dansez... Ah, c'est pas ça. Mais dansez toujours! Ouais. Mon Dieu, vous êtes lourd!